toutes, bonjour à tous, salut, bienvenue pour ce nouvel épisode de Late Night Wrestles, le podcast de la WWE en ce mois d'octobre, oui déjà. Mine de rien, la rentrée, c'est déjà loin, et puis on s'avance un petit peu gentiment. Bon, on verra si on avance bien durant le podcast, mais en attendant, le bonjour déjà de moi, Bruce T, le présentateur bien sûr, présentateur. De moi. Un peu assisté des fois peut-être, oui, par exemple de cet impétuant Gus. Salut Gus. Bonjour. Oui, ça c'est une entrée remarquée. Ça c'est le secret de mon podcast, vous ne les comprendrez jamais, chers auditeurs. C'est rigolo à chaque fois. Oh oui, ah ben un jour il y aura un Mickey Goff et ça risque de surprendre, mais bon. Oh mon dieu. Ah salut Tifo. Salut tout le monde, content de vous retrouver. Et oui, effectivement, et là c'est la rentrée, parce que c'est vrai que la dernière fois on était que trois, malheureusement, en raison des occupations de certains, dont les tiennes évidemment, donc c'est pour ça aussi. Ouais, et puis moi, pour rien cacher aux auditeurs, je vous avoue qu'en ce moment je lâche plutôt pas mal le catch, j'ai vraiment du mal à suivre et à me mettre dedans. Le produit proposé en ce moment, c'est pas vraiment convaincant, donc je lâche un petit peu, j'avoue. Mais j'ai quand même vu le pay-per-view dont on va parler ce soir. Quel championnat WWE, Tifo? Il y a personne. Putain, c'est bien. Chien, hein. Ouais. Et puis il y a Renault, la dernière fois qu'il y avait un problème de box. Ah voilà, de décodeur, oui, parce que je voulais pas confondre avec Verpa qui a eu un problème internet à l'époque et qui ne sera pas là d'ailleurs ce soir. Mais bon, salut Renault. C'est quand même très bien. Salut, des excuses pour rater un podcast. Ah, j'ai eu un problème de décodeur, j'étais fou. Mais effectivement, le pay-per-view, ça peut être Battleground, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, Night of Champions. Non, mais le pay-per-view, là, on va parler de Battleground, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. C'est bien un pay-per-view, c'est pas un jeu vidéo. Non, c'est bien ça, oui, Battleground. Non, parce que je suis pas un gamer, moi, donc Battleground, ça me fait penser à un nom de jeu vidéo, en fait. Ouais, qu'elle se demande de s'en aller chercher, mais bon. Bon, ça va, alors, si c'est bien un pay-per-view, je reste avec vous. Eh oui. Mais donc, au sommaire, on va parler de Battleground, évidemment, le fameux grand pay-per-view. On va un petit peu survendre. Ah oui, bien sûr, il est légendaire. D'ailleurs, le DVD est déjà sorti. Donc à mon avis, il va falloir vous précipiter pour le commander. Vous le saurez après nos avis. Non, monsieur, il y a pas mal de choses quand même à dire. Et puis aussi, je pense qu'on va un tout petit peu rebondir dans la foulée parce que très très vite, il y a déjà eu la carte un petit peu de Hell in a Cell qui a été dévoilée. Hell in a Cell qui est déjà dans 2 semaines, mine de rien. Bon, ça fait déjà assez rapide, assez accéléré. Mais bon, dans l'immédiat, petit jingle pay-per-view et on vous retrouve. Et donc on était à Buffalo, voilà, je m'y retrouve, à Buffalo pour le pay-per-view dans Battleground, avec d'abord le pré-show, le fameux pré-show que tout le monde regarde, j'imagine. Oui. Bon, non. Voilà. Donc, en fait, là, j'ai vu le pré-show quand même, je tiens à le préciser. Le pré-show donc. Le kick-off, c'est ça? Oui. Je crois que c'est redevenu pré-show, non? Non, mais c'est vrai que moi je dis tout le temps pré-show, mais c'est vrai qu'on appelle ça kick-off là, oui, le kick-off. Ah d'accord. Le coup d'envoi. Ouais, je sais pas comment d'ailleurs, mais enfin bon. Voilà, donc le kick-off sur YouTube, d'ailleurs qui laguait pas mal, mais enfin bon, petite remarque personnelle, avec un panel de génie, vraiment un panel de génie au côté de Je crois que c'est le plus beau panel qu'on ait jamais vu. Oui, quand même, The Miz, Tensai et Tatsuyoshi. Tatsuyoshi, tout le monde s'habite sur Twitter. Ça a marqué ça, oui, à l'époque. Mais le pauvre, quand même, il a fait un témoignage très émouvant, au passage. Oui, parce que sa grand-mère est décédée d'un cancer du sein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de roses dans le pay-per-view, au passage. Voilà, petit aparté. Dans la tenue de Brie Bella, on verra plus tard. Mais dans l'immédiat, il y avait un match entre Damien Sandow et Dolph Ziggler. Voilà, fallait en gros les caser quelque part, en attendant. Et puis à l'arrivée, au bout de 10 minutes 22, Dolph Ziggler l'a emporté. Donc ça a duré tant de temps. Ah bah oui, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais ça passe vite. Hein. Ouais. Surtout qu'il y a toujours la pub au milieu, donc forcément ça rallonge. Ah oui, c'est vrai que ça. Ah ouais. Donc, t'en as pensé quoi? Mais je me demande pourquoi on fout Dolph Ziggler et Damien Sandow en pré-show, tout simplement. Ces types-là sont deux lutteurs qui méritent quand même la main card, hein, c'est-à-dire être dans le show en lui-même, parce que bon, au final, quand même, on rappelle qu'il y a pas moins de 3 mois et demi, Dolph Ziggler était encore champion du monde, et que Damien Sandow est quand même Mr. Money in the Bank. Et là, tu les retrouves en pré-show, je trouve ça ridicule quand on voit ce qu'il y a dans le, quand tu vois ce qu'il y a dans le pay-per-view, genre Bray Wyatt contre Kofi Kingston et ce fameux match entre les réels américains et Santino Marella et Great Khali. Je me dis que ce match-là avait 100% sa place dans le pay-per-view, hein. Ça, c'est clair et net. Après, le match en lui-même, c'était pas mauvais, mais comme je le dis souvent ici, Damien Sandow dans le ring, je le trouve pas divertissant. Son personnage est très bien, faut pas le toucher, mais c'est le type dans le ring, je sais pas, il m'intéresse pas du tout. Donc le match est assez moyen. Ouais, bon après moi ça m'intéresse toujours parce que j'ai tout de suite accroché à Sandow dans le genre que j'ai suivi un petit peu son évolution au départ. En formation, tout ça, il a beaucoup progressé quand même in ring, je trouve. Et puis bon, ouais, Ziggler, c'est toujours un excellent matcheur, donc il y a jamais de match mauvais. Après, il y a aucune rivalité entre les deux concrètement. C'était juste pour les caser comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis Sandow, il y avait quand même le truc. Bon, on va y venir. Il y avait quand même le rapport avec l'opener, mais du coup, là, ce qui s'est passé pendant le pré-show a grillé ce qui aurait pu être imaginé à l'issue de l'opener, parce que du coup. Il y a eu un côté du ring qui a été ouvert et puis Sandow s'est un peu fait blesser la jambe, on va dire, de façon à ce que il puisse pas intervenir lors de l'opener. Ça, j'ai trouvé un peu dommage parce qu'à l'arrivée, voilà, ça a grillé d'entrée un petit suspense qu'on peut avoir toujours avec le porteur de l'MITB, quoi. C'est couillon, ouais. Quand même, juste avant le lancement des pay-per-view. Non, mais les gars, vous pensez vraiment... Non mais je pensais pas. Non mais le gars il te fait un discours avant le show, avant le match. Bon, je savais qu'il avait pas encaissé, mais c'est par principe, tu sais, tu te dis bon, il y a un hardcore rouge au début du match, tu te dis le gars voilà, un peu de suspense, on sait jamais. Ouais, je tiens quand même à préciser que Damien Sandow est le seul mec qui job pour Dolph Ziggler actuellement. Ah ouais, le pauvre Sandow, le nombre de défaites qu'il a depuis qu'il a la mallette. Dolph Ziggler aussi qui perd des matchs. Oui, c'est clair, ça on n'en parle même pas. Lui, on ne sait pas trop ce qui se passe depuis qu'il a perdu le titre poids lourd. Il a trop ouvert sa gueule, comme je l'ai dit lors d'un précédent podcast. Oui, c'est vrai. Le dernier choix, c'était qu'il a vraiment comme insurgé. Il ne faut pas trop le faire, non. Ouais. Non. Faut pas c'est trop dommage, hein, parce que il est au moins il dit ce qu'il pense. C'est clair, c'est méritant. Il devrait l'apprendre un petit peu à se taire, et ça serait peut-être plus bénéfique pour sa carrière. On espère qu'il va remonter et puis dans l'immédiat non, mais j'espère franchement que les Survivor Series par exemple seront un tremplin peut-être pour lui, surtout qu'il est quand même très apprécié. Donc on parle d'un push actuellement, mais j'y crois pas trop. Bon, on verra. Ouais, mais bon, dans l'immédiat on passe à l'opener. C'était le Battleground Hardcore Rules match pour le titre poids lourd, champion du monde poids lourd. D'accord. Ouais, on verra. Entre Alberto Del Rio et Rob Van Dam. Rob Van Dam, son dernier match clairement avant une pause à la WWE. Alberto Del Rio l'a emporté par soumission après 17 minutes 08, conserve son titre. Et quand on parle de Del Rio, j'ai tendance à me tourner toujours vers celui qu'il connaît et qui le maîtrise le plus ici, Renaud. Ouais, écoute, j'ai trouvé que c'était un bon match. C'était un bon opener. C'est vrai que bon, hardcore. Enfin, on va dire qu'ils ont appelé ça ce match hardcore, plus pour Rob Van Dam, pour les fans, les anciens fans de la ECW, pour la nostalgie. C'est un Extreme Rules version PG, quoi. Bon, il y a eu quelques armes, il y a eu quoi, la chaise, il y a eu l'échelle, je crois. Parce que j'ai noté quand même un gros DDT de Van Dam sur la chaise, et le Five Star Frog Splash aussi à l'extérieur du ring sur l'échelle. Ça, c'était pas mal. C'est un des meilleurs combats de la soirée. Deux très bons catcheurs. En plus, c'est assez inédit, même s'ils sont affrontés à Night of Champions, puis ils sont déjà affrontés aussi quelquefois, je crois, peut-être à SmackDown ou Raw, je sais plus. Oui, à SmackDown déjà, oui, RVD avait gagné par exemple. Voilà, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis je crois que la première fois qu'il s'est affronté, il n'y avait pas vraiment eu de match. Del Rio vendait une soi-disant blessure, puis il avait mis un super kick et avait gagné un combat très rapide la première fois qu'il s'est affronté. Ouais, moi j'ai bien apprécié quand même. Bon opener et ça m'a bien mis en forme. J'étais chaud après pour le reste de la soirée, mais j'ai vite refroidi. Ouais, mais bon, je vais poser un petit peu la question à tout le monde, mais est-ce que l'affaire n'a pas surpris, parce que c'était quand même très très clean, moi j'ai trouvé. Mais trop clean. Ah, c'était moi, quand même très net, la soumission, quand même. C'était très net. Il n'y a aucune tricherie, là, de Del Rio. Bon, en même temps, la stipu, c'est Touristoum. Et il ne peut, peut pas y avoir disqualification. C'est un match non, à non, mais c'est sûr. La stipu, Touristoum. Il fait sa soumission avec la chaise, en plus. On aurait pu... D'ailleurs, Lagus a fait une petite remarque dans sa review, dont on parlera plus tard, sur la petite chaise. Un petit truc quand même en cours, que Van Damme l'a refermé. Oui, oui, mais comme tu vois, d'ailleurs, je vais même commencer dès qu'il prend la chaise. Parce que c'est le monsieur, c'est dès qu'il prend la chaise qui est stupide, parce que je sais pas si vous avez entendu le public à ce moment-là qui crie clairement we want table. Ouais, bon, après ils avaient pas de chaise. Mais ils avaient, mais ouais, mais le pauvre il avait pas de table sous d'ailleurs. D'ailleurs vous avez remarqué, c'est une stipulation qui est dite Battleground Hardcore Match. Vous avez vu ce qu'il y avait sur le ring, des sauts et une chaise. Waouh. Ben c'est à WWE maintenant, hein, c'est tout, hein. C'est la WWE maintenant, en fait. Non, mais c'est mon coup de gueule. Non, mais attends, c'est mon coup de gueule. Aujourd'hui, quand t'es un Pidgeira, tu ne fais plus de stipulation où tu dis que ce match va être hardcore, parce que c'est pas vrai. Tu dis quoi, Extreme Rules? Tu dis, voilà, c'est clair. Mais c'était pas un hardcore match, c'était un Extreme Rules match. Et encore, voilà le peu d'objets qu'il y a eu, hein. Il n'y a pas eu d'objets d'utiliser à part une chaise, une échelle, et un saut. Waouh, ça fait rêver, quoi, bordel de merde. Tu dis que la foule elle chante we want table et que Van Damme il sort une chaise. Mais c'est pratiquement toujours ça, tous les matchs hardcore, tous les matchs extrêmes, c'est toujours t'as toujours la foule qui va te dire on veut des tables, c'est connu en Amérique. Si tous les catcheurs qui auraient écouté la foule, on aurait eu des tables à tous les matchs hardcore. Je veux dire, franchement, je défends pas spécialement Van Damme sur ça, mais déjà. Oui, non, mais c'est pas la faute à Van Damme. C'est pas tout scénarisé, mais il y a quelques trucs qui sont scénarisés. C'est le match qui est booké comme ça après. Oui, voilà. Voilà, justement, il y a quelques points importants dans les matchs. C'est pas scénarisé de A à Z, mais il y a quelques points importants toujours qui sont, bon, très bien définis. Là, la table, elle n'avait pas lieu d'être, c'était pas prévu. Donc ça, tu peux pas vraiment lui en vouloir en Van Damme. Ça aurait été n'importe quel catcheur, ça aurait été pareil. Oui, non, c'était pour la petite remarque. Ouais. Et c'est bon, si vous voyez bien, quand même, une fois que, qu'il se prend ce coup de chaise dans la tête, là, quand Del Rio le fait tomber sur la chaise, tu le vois clairement, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, mais tu vois clairement, tu vois donc le bras qui est dans la chaise. Hein, il se couche comme ça, la chaise est encore ouverte, et tu vois discrètement la main de Van Damme fermer la chaise. Oui, mais ça c'est le travail. Bon, on le sait que des fois lors des matchs, forcément, c'est un travail à deux à chaque fois ou à quatre. Enfin, ça dépend combien ils sont. À chaque fois, ils cèdent entre eux. Et des fois, bon, c'est sûr. Là, c'est vrai. J'ai remarqué aussi. C'est vrai ce que tu dis. J'ai remarqué aussi. Après, bon, voilà. Ça, c'est... Là, oui. Mais bon, moi, ça m'a pas dérangé, parce que j'ai pas fait gaffe. Je sais pas pourquoi, j'étais pas attentif, mais bon. Ah non, moi, quand j'ai vu le match, j'ai vu que ça, quoi. Et Tifo, t'as vu quoi du match? Bah, j'ai vu le match. non, c'était un match correct. On sentait que l'alchimie entre les deux, elle était assez bonne. C'était, ouais, comme elle dit Renaud, c'était, honnêtement, pour moi, c'était le match de la soirée. En plus, celui qui a duré le plus longtemps. Mais après, j'ai découvert que c'était un hardcore match, juste après le match. Et j'ai un peu halluciné, j'avoue. Je me suis dit, merde, il est où le hardcore, quoi? Même Extreme Rules, je trouve que c'est quand même beaucoup dire pour... Enfin voilà, c'était, il n'y avait rien d'extrême, quoi. C'était, pour moi, c'est un match banal, quoi. Il n'y a rien de plus. Mais ça reste, c'est resté un bon match. Pour moi, le meilleur de la soirée, indéniablement. Ah! Bon, ça, bon, après, non, mais c'est bien, écoutez, c'est les avis divers, et, justement, voilà. Bah, le meilleur match simple, déjà, de la soirée, oui, je pense. Bah, le truc, c'est qu'on sent que les deux sont à l'aise dans un ring, quoi, Exactement. C'est comment dire, c'est quelque chose qu'on voit, qui est assez différent de ce qu'on peut voir, entre Orton Bryan, par exemple, je trouve que c'est un peu, je vais pas dire réchauffé, mais je sais pas, c'est plus ennuyant, je trouve. Del Rio, Van Damme, après, c'est peut-être parce que Van Damme était pas là depuis un moment à WWE qu'on l'a plus vu. Enfin, je sais pas, mais moi, je trouvais ça pas innovant. J'irais pas jusque-là, mais je trouvais ça sympa. L'alchimie est bonne, c'est de bons catcheurs, donc ça donne un truc plutôt bon, quoi. On va pas s'en plaindre. Et Del Rio a quand même la capacité à travailler avec beaucoup de monde, avec des gabarits très différents. Hein. Il peut donner des très bons matchs. Je me rappelle de ces matchs contre Big Show qui étaient particulièrement bons, quoi. Ouais, voilà, il avait réussi à mettre aussi le Big Show assez en avant, même si Big Show, j'avais trouvé que lui, il était vraiment revenu grâce à Sheamus, surtout. Mais après, avec Del Rio, c'était pas mal. C'était le personnage de Del Rio que je kiffais moins en face, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que Del Rio a quand même la capacité à bosser avec pas mal de monde sur des gabarits différents, a toujours donné du bon match. Après, on aime ou on aime moins, mais c'est toujours quand même très correct, quoi. Non, mais là, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, vous parliez de la fin où elle a été clean. Et justement, je trouve que cette fin clean, ça donne un rendu propre au match. Exactement. Ça fait un bon rendu, c'est propre, c'est pas brouillon. Enfin, moi j'apprécie ça. Enfin, ça rend bah, très c'est bien, vrai quoi. Que c'est vrai que c'est différent de, ouais, bah, mais... de la fin frustrante à Night of Champions, évidemment, parce que c'était trop simple la disqualification, évidemment. Ouais, mais on aurait, je sais pas, avoir aimé voir un coup de pute, quoi. Enfin, je parle mal, mais on aurait quand même aimé voir un coup de pute de la part de Del Rio sur. Sur Van Damme, parce que finalement on l'a pas vu et je pense que ça aurait été sympa de voir enfin de toute façon le match pouvait pas finir autrement que clean, mais quand je disais clean tout à l'heure c'était pas sur une simple soumission où il prend une chaise et la bloque sur son adversaire, ça c'est bien vu hein, mais je sais pas, j'aurais peut-être préféré voir autre chose parce qu'au final cette façon-là de gagner on l'a déjà vu plein de fois. Mais ouais, mais ça, bon, ben, on verra. Hein. De toute façon, déjà, prochaine fois, on en parlera tout à l'heure, un sacré test, donc ce sera à voir. Ouais. Bah, les réactions un petit peu auditeurs, avec bah, le très très fidèle Grégory Gourdou, qui nous écrit toujours de fantastiques analyses, merci à lui, et qui a dit « Match correct sans plus, pour moi les deux lutteurs n'ont pas assez utilisé la stipulation du match, malgré cela, chacun a eu de bons moves, RVD toujours acrobatiquement impressionnant, et Del Rio utilise merveilleusement les kicks sur son adversaire. » Bref, fin de feud, des résultats sans surprise. Et puis après, bon, bah, place au nouveau challenger. Et puis Sébastien, bonjour à lui, qui a dit « Je m'attendais pas à ce que quelque chose d'important se déroulerait dans le match. Finalement, il n'en a rien été. » Non, il s'attendait, pardon, à ce qu'il y ait quelque chose d'important. « La victoire clean de Del Rio était surprenante pour moi. Et au bout du déroulement, cela semblait être la fin de la feud. » Oui. « Cela a dit un bon match, mais Terme Hardcore aurait pu dû rester à Extreme Rules vu le match. » Voilà, ouais. Bon, ça recoupe un petit peu les avis divers et variés, ouais. Notamment de Gus, je crois, qui a beaucoup insisté sur la notion qu'il n'y avait pas d'accord. Ouais. Mais bon, c'est plus trop safe. D'ailleurs, juste avant de passer à la suite, je reprends ma catchphrase, hein, parce que je peux plus la dire. Mais, quid de Ricardo Rodriguez? Bonne question, parce que c'est vrai qu'il a teasé bizarrement un message assez énigmatique sur Twitter qui a donné pas mal lieu à des rumeurs, voilà, qui a dit bah maintenant bah j'en ai fini avec Del Rio, j'en ai fini avec Van Damme, donc je vois pas qu'est-ce que je peux faire maintenant. Ben bah, ouais, c'est sûr que après je sais pas, est-ce qu'il a un rôle de catcheur. Bah oui, mais il a plus un rôle d'entraîneur en coulisses. Oui oui, non mais parce que concrètement on sait que c'est pas un mauvais catcheur hein. Oui, non, non, ben il apparaît masqué sous les traits d'aile locale. D'ailleurs, on va le voir apparaître à SmackDown. Donc, mais bon, voilà. Après la WWE, je sais pas. Pour moi, ça me semble bouché. Après, peut-être il peut revenir, mais pas dans l'immédiat, à mon avis. Je sais pas qu'est-ce qu'il aura à faire. Surtout vu comment ouais, Del Rio l'a détruit le lendemain. Voilà. Oui, il peut, mais pas dans l'immédiat. Faudra attendre un petit peu, je pense. Et si il venait manager Cena? Voilà, ça non. Non, mais bah, attends, le mec, il est capable de passer de Del Rio à Rob Van Damme en un clin d'œil, donc enfin c'est pas. Oui. Mais bon, c'est après, pas un souci. Pas. On pensait que c'était un personnage propre à Del Rio, mais au final, pas du tout. Hein, c'est réversible. Ouais, mais regarde bon. Maintenant qu'il s'est officiellement détaché complètement de Del Rio vu que la feud est finie. À quoi il va servir? Parce que là encore, concrètement, il y avait une feud, donc il servait peut-être à quelque chose. La feud vient de là, concrètement, en fait. Hein. Elle vient de Ricardo Rodriguez. C'était pas une feud de Ricardo Alberto Del Rio contre Van Damme, c'était plus Ricardo Rodriguez Alberto Del Rio. Mais ouais, mais bon. Ouais, on verra bien. Hein. Ouais. Bon, c'est à voir, mais je suis pas sûr que ça passe énormément vu que déjà la rivalité était pas énorme. Alors, voilà. Bon, enfin bon, à passer à une autre rivalité bah, qui elle était énorme, beaucoup de matchs dernièrement et tout, c'était vraiment frémissant. Les Real Americans with Paul Jack Swagger et Antonio Cesaro. Oh, ma foi, ils ont bien défendu leur morceau, je trouve. Qui ont battu Santino Marella et The Great Khali. Au bout de 7 minutes 11 avec bah, le fameux swing de Cesaro. C'était surtout le but, à mon avis, du match. Qu'en as-tu pensé, Tifo? Oh, la lose. Enfin, déjà, je vois le match Khali débarquer. Je fais merde, il était prévu. Parce que, oh, honnêtement, je connaissais pas tellement la carte. Et là, je vois le match Khali, je fais... C'est quoi le délire? Il y a le Great Khali qui est dans la main carte, et en pré-show, on a le droit de se taper un Ziggler sans dos. Donc déjà, je me dis, c'est quoi le délire? Après, au final, j'ai pas trouvé le match trop mauvais, je vous avoue que c'était plutôt sympa, c'était divertissant, mais après, c'est pas du grand niveau, quoi. C'est voilà, enfin, c'est un peu frustrant pour Cesaro et Swagger d'en arriver là. Mais bon. Bon, après, je trouve que ça n'a pas trop sa place en pay-per-view, quoi. Mais ouais, mais bon, après le seul intérêt, bah, c'était le swing à mon Oui, avis, c'était bah, le qui était très stopper. d'ailleurs. T'as Dis pensé pour lui, quoi? il a fait sur lui-même, le Cesaro. Il avait fait sur O'Neill, c'était encore plus spectaculaire, 24 fois. 24 tours, ouais, 24 tours sur lui. Non, mais le match en lui-même, c'était mauvais, hein, comme pas possible, même d'ailleurs. Mais bon, c'était rigolo de voir le Great Khali se faire tourner 10 fois. Ça m'a fait rire, surtout, en fait, sur le coup. J'étais quand même assez impressionné, parce que le faire sur Khali, il faut le faire. Même si on n'est pas étonné que Cesaro y arrive, hein, parce que Cesaro est capable de tout. Mais moi, ce que j'aimerais revenir, c'est quand même sur le discours de Zeb Colter. Enfin, pas sur le discours en lui-même, d'ailleurs. C'est sur ce que faisait Antonio Cesaro juste derrière. Je sais pas si vous avez vu, Renaud, je crois que tu l'as vu sur AB1, donc toi, t'as pas pu le voir, parce que la scène a été coupée par AB1. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas si Bruce Lee l'a pas remarqué, je sais pas si Tifo l'a remarqué, mais si vous regardez bien une nouvelle fois ce passage-là de Zeb Colter qui parle, écoutez pas Zeb Colter, mais regardez Antonio Cesaro. Il reprend exactement toutes les mimiques avec un petit sourire narquois de Zeb Colter, et c'est hilarant. Ce type-là doit, je sais pas, il doit faire quelque chose de mieux que se taper ce genre de fun, quoi. Enfin, Ouais, mais justement, ben, ça va dans le sens des rumeurs presque qui dirait que bientôt il y aura un split quoi avec Swagger et Colter, que Cesaro repartirait avec un personnage nouveau. D'ailleurs, il est repoussé par le public, plus loin poussé, pas repoussé, non, pas du tout justement. Il est très ouais. très, enfin, le public accroche beaucoup à lui. Or qu'avant il manquait de cette image, mais là il accroche vraiment beaucoup. Donc à mon avis, Il y ça a a ce peut-être truc un sens à aussi, terme comme ça, ouais. qu'il est peut-être moins concerné, et puis qu'à terme ça va couper, ouais. Et par contre, c'est un truc qui me saoule, parce que c'est quand même un clan, hein. Au final, maintenant, ils sont trois, ça devient un clan. Un clan qui se dit que les immigrés foutent la merde. Parce qu'au final, c'est ça qu'ils disent, c'est ça que disent Zeb Colter. Cesaro, il est quoi? Il est suisse? Qu'est-ce qu'il Oui, fout là? non, mais ça on comprendra Mais jamais, c'est je tout le crois. truc, ça, justement. Mais c'est tout le truc de Cesaro. C'est là qu'on voit que Cesaro, c'est le personnage de Cesaro. Tu vois que c'est un lâche. Il s'est associé à Colter et Swagger Ah pour ouais, être mais un... non, mais c'est justement, je comprends pas pourquoi Colter et Swagger l'acceptent. Ouais, c'est tout un truc. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire, justement. C'est là, ouais, Ouais, faut pas c'est parce que c'est chercher. Je pense qu'il faut ridicule, vraiment quoi. pas sur ça s'attarder, parce que ça, c'est Ouais, vraiment non, mais c'est juste... illogique. Ouais, c'est illogique, ridicule, parce qu'en ayant Cesaro dans son clan, eh ben, il contredit tout ce qu'il dit, en fait. Donc ça sert à rien. Ouais, complètement, ouais, c'est sûr, il a Suisse avec lui. Donc, ouais. Mais, Surtout qu'il dit Mais qu'il bon. avait un Italie. Ouais. Mais bon, quoi, on va peut-être pas trop s'attarder sur cette Oui, non, partie. voilà, Renaud, je c'est sais juste pas, que j'ai une t'avais pas petite dit ton aparté rendu que je sur le voulais faire. match. Oui, non, bien sûr. Ouais, non, juste deux mots. Bon, voilà, l'hélicoptère de Cesaro sur le Great Khali, hein, j'étais obligé aussi d'en parler très vite. C'est impressionnant, mais bon, Cesaro, il a une force, je crois que ça doit être un des plus forts à la fédération. Actuellement, ce mec, il peut faire ce qu'il veut. Et sinon, ben, Cesaro Swagger, quand même, de les voir affronter Khali et Santino, ça fait mal, quoi, parce que il pourrait tellement la monter, cette team. Alors, tu dis que peut-être que ça va clasher et que Cesaro va repartir solo, c'est très bien aussi, parce que c'est un catcheur excellent, hein, en solo. Et Swagger aussi est très bon, attention. Mais, tu vois, si vraiment ils voudraient faire quelque chose de la division tag team, là, ils auraient pu construire avec cette équipe-là. Et les faire affronter d'autres gars que Khali et Santino Marella, c'est vraiment une équipe. À l'époque, cette équipe-là, si elle aurait été là, elle serait montée au titre par équipe, sûr et certain, quoi. J'aurais mis ma main au feu. Et là, bon, ben, Ah, voilà. mais là, le problème, c'est qu'il y a The Shield, quoi. The Shield, ils sont intouchables pour le moment. Oui, vos équipes sont intouchables, mais bon, voilà, de les faire bosser, de les faire monter, et pas de les faire affronter Khali et Santino, quoi. C'est quand même deux talents énormes, Cesaro et Swagger associés. Putain, mais tu leur laisses Ah oui, quelques minutes sur le ring, de les vraiment. faire battre les Usos, notamment, je sais pas, moi, ouais. Voilà, Ça notamment, fait voilà, ça. par exemple, parce que les Ouzo, ils ont quand même été assez mis en avant ces derniers temps. S'ils avaient, ils avaient affronté le Shield, ils avaient battu le Shield aussi, les Ouzo, hein, à un moment donné. Oui, Donc, c'est sérieux. Bah, d'ailleurs, dernièrement encore, dans les matchs par équipe à 3 contre 3, ils sont souvent associés à un coup à Bryan, un coup à Ziggler, des fois, donc. exactement. Voilà, je trouve juste que c'est du gâchis, moi, pour Cesaro et Swagger. Ça aurait vraiment pu être deux talents énormes associés ensemble. De les monter au titre, ça aurait pu vraiment le faire. Mais bon, on verra. Mais ouais. Donc on va passer, je pense, au match suivant, bon, qui présentait peut-être pas non plus un intérêt, enfin légèrement plus prononcé, mais voilà, c'est juste parce qu'il était pour le titre intercontinental, avec Curtis Axel, qui a battu Artruss en 7 minutes 36, voilà. Artruss qui a eu le droit en battant par surprise Curtis Axel, voilà, à ce match. Donc la parole à Gus. J'ai rien à dire sur ce match-là, j'ai trouvé ça complètement mauvais et inutile concrètement, donc j'ai pas quelque chose de plus à dire. Axel, je repense encore à McGinny Cutty, qui est la dernière victime de Ted DiBiase à la WWE, donc effectivement. Donc voilà quoi, je me dis qu'aujourd'hui ce type-là est champion intercontinental et je me dis que bordel de merde quoi, et que voilà, je m'en fous en fait de ce type-là. C'est dommage parce qu'il lui trouve du talent, hein, mais je sais pas, je l'accroche pas. Oui, quand même, il fait bien son travail, mais avec Artruss, c'est jamais évident aussi. Le gars, c'est assez bizarre, hein, comment il match à chaque fois. Je sais pas ce que t'as à penser, bah, d'un Axel à l'autre, Tifo. Oh là là, non. Bah, ouais, bon, la vanne, ouais, bon, c'est sympa, c'est marrant quand même. Bah, non, mais je rejoins totalement Gus. Moi, je dirais juste un bon gros lol pour ce match, parce que c'est de la merde. Concrètement, on se fait chier, il n'y a aucune intensité, tu sais même pas d'où la feud elle sort. Enfin bref, génial, Curtis Axel, champion intercontinental, youpi, Artruss and Challenger, youpi. Non, franchement, on se fait chier, le titre intercontinental est complètement, pardon, délaissé, et c'est une catastrophe que moi je me fais complètement chier. Voilà, c'est dit. Eh oui. Bon, mais Sébastien dit que c'est digne d'un show weekly, c'est sans saveur, t'as pensé pareil, Renaud ? Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire, justement. Là, ça fait trois matchs, et on a quand même l'impression, à part le premier quand même, on a un peu l'impression d'être à Raw ou SmackDown, on se croit en weekly. Alors, le match, moi, j'attendais pas grand-chose, même j'attendais rien, en fait, carrément, du match. Bon, finalement, je l'ai regardé. Bon, c'est vrai que bon, y a pas grand-chose à dire. Je note quand même que Curtis Axel, c'est un catcheur très propre, je trouve. Ah, là-dessus, moi, là, je te fais plus soi, là. Voilà. Ouais, parce que... Je suis assez fan, depuis le début. Rien que son dropkick, son dropkick, tu le montres, mais dans n'importe quelle école de catch, dans le monde entier, vraiment. Son dropkick, c'est même son père le faisait bien, mais alors lui, je trouve qu'il fait encore mieux. Après, bon, et là, il cache contre Artruss, il fait de son mieux. C'est un match qu'on va oublier, ça aurait pu se passer voilà, à Raw ou SmackDown. Donc, ouais, à suivre. On attend le reste du show, ça que je veux dire. Ce match-là, on peut oublier. Mais Curtis Axel, pour moi, il est quand même très propre dans un ring, vraiment. Mais, ouais. Non, mais perso, moi, j'ai ça à Raw ou à SmackDown, mais ça me fait chier aussi. Hein. Honnêtement, c'est nul. Enfin, voilà, c'est... Ah oui, après, je dis pas, attention, je dis pas que tous les matchs à Raw et SmackDown sont à chier, hein, au contraire, hein, on a eu des bons matchs par le passé. Le Punk Cena, c'est pour moi toujours le match de l'année. Cena, ouais. Voilà, le Punk Cena, quoi qu'il arrive, il sera dans le best-of cette année, ça c'est sûr. Je dis juste que ça fait très weekly dans la forme. Après, ça serait un 6 ou 7e match de weekly, quoi, dans un Raw. Ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Après, non, c'est sûr que des fois, il y a des petites perles, hein, qui arrivent à Raw et SmackDown, c'est clair. Bon, on verra si je suis pas sûr, c'était vraiment une perle la suivante. Enfin si, il y avait deux perles quand même sur le ring. Edge Lee qui affrontait Brie Bella pour le titre Diva. Ouais, moi je dis Edge, mais bon. Voilà. Et Edge Lee, alors voilà, l'a emporté après 6 minutes 37, un peu manière filoute, en profitant que Tamina Snuka, qui l'accompagne maintenant, elle est plus seule. Distrait Brie Bella en s'emparant de... Elle est plus seule. Quoi. Elle est plus... Comment ça, elle est lesbienne? Elle est plus seule. Oh là. Ah, j'ai compris, elle est plus seule. Oh là. Putain, oh, bon, de merde. Suite. Non, plus seule. Sûr, elle n'est plus seule, voilà. Elle n'est plus seule. Ok. Enfin, sur un... Quel pervers sur nous. Voilà, oui, parce que... Ben, au PPO précédent, on se rappelle, elle avait gagné le 4-way, mais un peu d'adversité totale, vu que personne n'était derrière elle. Donc là, elle avait quelqu'un derrière elle, voilà. C'est tout. Ouais, et bon, ben, Edge qui s'est quand même blessé commotion cérébrale en atterrissant contre le poteau au passage. Donc, c'est heureux, on ne le reverra pas avant un mois à peu près. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le match était de cette qualité-là, parce qu'Edge nous a vu ça mieux. Oui, j'allais rebondir rapidement. Et là, c'était aussi bon habitué un peu mieux, donc forcément, ça a dû jouer un petit peu sur la qualité du match, donc c'est pour ça que je ne leur en veux pas. Ah oui. C'était pas Gaius, ça faisait assez 4 fights, c'était assez bizarre. D'ailleurs, t'en as pensé quoi? Je te dis, je peux pas vraiment te donner mon avis parce que bon, AJ était victime d'une commotion, donc. Ouais, mais quand tu regardais, ouais, mais non, c'est vrai, tu l'as regardé en ayant su AJ, donc c'est pas un bon exemple. Mais si tu l'avais Non, non, su, justement, je l'ai regardé bon, sans jugé à savoir, part quoi. parce que moi, au départ, moi, je savais pas du tout, donc j'ai regardé à part, mais Moi non plus, je la prends là, c'est je la prends, quoi? vous me la prenez. C'est nul, c'est le plus mauvais match d'AJ, malheureusement, et Brivella, c'est vrai, a fait mieux, donc. Ouais, non, bah après la commotion explique la chose, hein, mais je peux pas vraiment, moi je peux pas vraiment t'en dire plus parce que je savais déjà avant de voir le match qu'il y aurait que Adjeli était victime d'une commotion cérébrale, donc moi je peux rien dire là-dessus, donc je préfère laisser la parole à Tifo ou à Renaud. Ouais, ben on va commencer ben, par Tifo alors. Franchement, même en avance x8, il était pas terrible le match. Ah oui, la vache, oui. Ben oui, c'est sûr que. Non, franchement, honnêtement, j'ai pas regardé. Ça m'emmerdait plus qu'autre Bah, chose. Même Speedy. si j'apprécie beaucoup Ejili, mais après, Brimbella à côté, non, c'est pas. Brimbella, du talent, faut pas se méfier. Ah, Ah, en même je dis pas temps, le elle a de contraire. quoi, hein. C'est quand même la fiancée d'Alain Bryan, donc voilà, elle a de quoi. Il apprend Je dis quelques pas, trucs. Hein. je dis pas le contraire, mais en fait, c'est qu'ils ont fait tout un pataquès pour. Comment ça s'appelle leur émission, la Total Total Divas? Tifo. Ouais, c'est bon, ils en foutent. Ils arrêtent pas d'en parler, donc Bah rien ouais, il faut bien déjà. faire la promo, hein. C'est le Ça revient problème. déjà Déjà, dans un mois au mais. passage, hein, mais bon. Tu sais que Mais c'est le bon, programme voilà. qui marche le plus actuellement, la WWE, c'est le programme qui fait le plus de ratings, je crois, donc Ouais, c'est c'est possible, mais ils font normal que qu'ils d'en font ça. parler. Donc le Brimella, Non j'en ai mais, marre. tu sais c'est Avec quoi le son. problème? Le problème c'est que c'est une émission qui cartonne comme c'est pas possible chez eux, et c'est que nous, tu vois, Tifo, t'es pas touché par ça, comme moi d'ailleurs, hein, je m'en Bah, fous, ça doit les et faire, je reste ça. poli, je m'en fous complètement. Et eux, ils sont D'ailleurs, tellement dans son l'émission va truc. arriver sur. Je crois que l'émission devrait arriver en France, hein, bientôt, Bah, elle sur va arriver History, en même temps, peut-être même. C'est de la télé-réalité qui est scriptée, donc voilà. Tu vois, ils font tout autour un pataquès. Parce que les Ricains, eux, regardent ça justement. Donc eux, ils suivent par le show Total Diva et ils suivent par la WWE en même temps ce qui se passe. Sauf que nous, on n'est pas du tout touchés par Total Diva. Donc nous, on est complètement hors de l'histoire, quoi. Alors déjà que les divas, bon, des fois, ça nous passionne pas trop, à part leur physique. Des fois, on n'est pas trop attiré par ce qui se passe. Là, bon, ben, Total Diva, nous, on connaît pas, quoi. En gros, soit on regarde par Internet ou alors on regarde pas. Et donc ça donne ça. C'est dommage parce qu'AJ Lee, c'est une catcheuse qui s'est très bien catchée. Pour moi, son match contre Caitlyn à Payback va rester pour un bon moment, je pense. Dans les annales? Excuse-moi Non, du c'est petit rire, bon. mais elle Ah. est pas mal. Non, mais elle va rester pour moi. Ça va rester un bon match dans l'histoire des divas, en tout cas. Voilà. Et je pense qu'avant qu'on retrouve un niveau d'intensité entre deux divas dans un match en pay-per-view, on Bah n'est pas écoute, encore. Le match à Payback entre je vais te Caitlyn et dire, AJ. Régus, qui regarde aussi des fois NXT, te dirait, bah, Tout le temps, tout le temps NXT maintenant. Depuis que je suis vivement revenu, que tout le temps. Page, justement, arrive à la WWE, voilà. Eh C'est une ben, rivalité écoute, je te Page crois. Edgely, là, à mon avis, devrait y avoir la qualité sans problème. Ok. Et là, le match, tout le monde va la regarder, même si c'est les divas. Paige Edgely, ça, c'est un match qui se rattrape, mais pour rien au monde. Ça pourrait être le punk Cena au niveau qualité, hein. Attention, Ah, je suis sans hyper exagérer, c'est sérieux. parce que Je suis NXT, elle hyper cartonne. sérieux. Les L'adhésion deux ont des fans, un c'est rare. putain Hein. de talent. C'est rare, elle fait Naomi est beaucoup très de forte aussi, hein. Ouais, mais elle est moins Oui. forte que Edgely Non, mais et la Paige. Naomi contre AJ Lee aussi, si tu Non, restes un mais peu de oui. temps, je peux te Ah dire, ça peut être ben pas là mal. on a des images oui de show de match à NXT une fois à la Raw aussi oui récemment et tout ouais ça donne du bon ouais. Elles ont le même profil en plus hein. Bah, les plus grandes Naomi mais elles sont toutes les deux très vives donc ouais. Et Natalia est toujours très mal utilisée aussi, Ah malheureusement. oui C'est dans Natalia on un l'oublie autre souvent style, hein, mais c'est c'est pas vrai que Naomi. déjà Natalia j'ai envie de dire Natalia pète plus donc tant mieux. Bon, déjà, c'est une bonne chose, ça, parce C'est une que ouais, à catastrophe côté, à on va vous l'époque. faire sortir Jojo de Total Diva. Wouh! Ah bah oui, Merde! maintenant oui, bah oui, Nathalie Oh, elle sert de formatrice pour Eva Marie et Jojo, les deux nouvelles quoi. Voilà. d'ailleurs, si on pourrait voir Audrey, c'est Eva Marie? Eva Marie, oui. Ouais, Si on non, pourrait voir, Audrey Marie, c'est Audrey Marie, oui. c'était une qui a été virée à l'époque. Ah merde. C'est Eva Marie, oui. C'est Eva Donc, Marie. si on pourrait voir Eva Marie un petit peu plus souvent en Raw, ça me dérangerait pas du tout, hein, parce que Oui, je la trouve un ouais, petit parce peu à que mon goût, hein. t'aimes bien les femmes aux cheveux rouges, on a bien compris. Ouais, je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est un kiff. Voilà. D'ailleurs, si, d'ailleurs, mademoiselle, si vous avez les cheveux rouges, écrivez-moi. Donc, on va passer au prochain match. Match par équipe. Match par équipe au Pôle emploi, je dirais. Vraiment Pôle emploi. Avec Goldust et Cody Rhodes, qui étaient accompagnés par leur père, Dusty Rhodes, qui affrontaient ben, les champions par équipe The Shield, Roman Reigns et Seth Rollins. qui était accompagné par Dean Ambrose. Et bah, les titres n'étaient pas en jeu, mais le travail surtout était en jeu, parce que Cody Rhodes, il a été renvoyé, bon, dans l'histoire, évidemment, il a été renvoyé le temps de se marier, quoi, en gros. Et puis Goldberg, il avait un travail à reprendre éventuellement. Et puis Dusty Rhodes, il avait quand même un avenir d'entraîneur aussi à NXT à garder. Donc, à l'arrivée, pour le plaisir de toute la salle et de beaucoup, je pense ici aussi, Goldust et Cody Rhodes se sont imposés après 13 minutes 54 et donc reviennent officiellement à... Trop court. Trop court? Ah. Merci Gus, merci. Explique-toi maintenant. 13 minutes et 42 secondes, c'est trop court pour ce match-là, putain. C'est le match, concrètement, c'est le match de la soirée. C'est le match où il y a eu du suspense, c'est le match où il y a eu un build-up. Il y avait une vraie histoire derrière tout ça. Goldust plus en forme que jamais. J'ai jamais vu Goldust faire un match aussi bon depuis. Enfin, j'ai pas connu l'époque Attitude Era tout ça moi. Hein, donc j'ai jamais vu Goldust aussi bon. Goldust m'a vraiment impressionné. Il approche de la cinquantaine quand même. Faut pas l'oublier. Il fait mieux que certains lutteurs qui ont pourtant le début de la trentaine. Non, mais Goldust, lui, on l'avait vu contre Randy Orton quand il avait essayé. Exactement. Il était bon déjà. Il avait déjà été bon. En 15 minutes. Ouais, non, mais il avait déjà été bon. Faut pas oublier, Goldust approche de la cinquantaine. C'est juste extraordinaire ce qu'il monte depuis qu'il est revenu, Goldust. Hein. Moi, je suis même devenu fan, quoi, de Goldust. Il a perdu beaucoup de poids aussi. Moi, devenir fan de Goldust alors qu'il a bouffé Ted DiBiase pendant deux mois. Ouais, c'est quand même ça, fou. C'est une histoire de rivalité. En plus, il y a Aksana au milieu, alors, voilà. Oui. Non, franchement, c'était c'était vraiment le match de la soirée, quoi. Y a pas à dire, c'était une pure merveille. Moi, il y a une image qui m'a marqué quand même, c'est celle de l'entrée de la famille Rhodes, quoi, quand ils se tiennent tous les trois avec le point d'avant comme fait The Shield quand ils gagnent. Cette image-là, elle va rester gravée parce que c'est une image qui m'a mis des frissons parce que les Rhodes, c'est quand même une famille historique du catch, quoi. Et ça, c'est vraiment. C'est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. C'était juste une splendide image. Voilà. Et Renaud, alors, cette image t'a plu? Tout ça, la victoire. Bon, avec Cody Rhodes qui fait le tomber sur Rollins aussi. Ah, j'ai adoré. Allégresse totale. Ah, le public était vraiment tard en plus. Hein. Faut le souligner. Ah, j'ai adoré. Et puis, cette Rollins a une capacité à vendre les prises. Ah oui, numéro 2. Parfait. Oh, bah oui. Ah, lui, à les mettre, à les vendre. Oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais, c'est vraiment, non, c'était un super combat, c'était un très bon match, beaucoup de rythme, d'intensité, le Shield, à chaque fois, moi, je suis fan, là, ça s'est confirmé. Gus en a parlé de Goldust, c'est vrai que, bon, voilà, il revient complètement en forme, il est transformé, Goldust, il y a eu un passage où il était assez boring, il était très chiant. Moi, je trouve qu'il avait eu déjà un deuxième bon run en 2002, quand on l'avait mis en team avec Booker T, ça lui avait donné un second élan à sa carrière et ils avaient été champions par équipe. À l'époque, ouais. Goldust, en 96, il pouvait affronter Razor Ramon pour le titre intercontinental, il avait affronté Taker en pay-per-view. Voilà, c'était quand même, il y a Ahmed Johnson aussi, c'était quand même un catcheur très intéressant, et là, chaque semaine, il était là, il n'y avait pas de souci, quoi. Et après, bon, il a eu un peu des hauts et des bas dans sa carrière. Là, je trouve qu'il revient vraiment super bien. Il était super impressionnant dans ce match. Il tient le match, quoi, sur certains trucs. Non, mais c'est lui qui fait le match. Franchement, hein. Pas surpris parce que j'avais vu son combat contre Randy Orton et j'avais déjà trouvé en forme, mais super combat, super match par équipe. Et juste un petit truc, les gars, à la fin, quand les Rhodes fêtent leur victoire, il y a tout le roster qui vient derrière. Alors, oui, et puis on retrouve Finlay notamment, ouais. qui voilà, est revenu il y a pas longtemps. C'est de savoir, est-ce que Sin Cara était là? Non. Et il fallait parler. Par contre, oui, c'est le point Sin Cara. Ah là là. Merci. J'aurais pas pensé. Ouais, mais il y avait Arthrus bizarrement qui était un révérend. C'était assez curieux ça. Ça avait beaucoup fait parler ça. En révérend? Ouais, un truc comme ça. J'ai pas fait gaffe moi, mais ça. Pourtant, il a perdu son match contre Curtis Axel. Ça a beaucoup buzzé sur Twitter à ce moment-là. Je l'ai pas vu Arthrus non plus, donc je peux pas te dire. J'ai vu Kofi, j'ai vu. Je suis content, j'ai fait mon point Sin Cara. Voilà. Ouais, mais c'est bien. Bon, ben Tifo du coup sera frustré de pas faire le point Sin Cara, mais t'as pensé quoi du match? Excuse-moi, mon ami. Ah oui, Renault, là, je sais pas quoi te dire, je suis vraiment déçu. Non, honnêtement, alors ce match au début, je croyais qu'il était pour les titres en plus. Donc, comme quoi, je connaissais vraiment pas la carte. Non, en fait, c'était le match, si les Rhodes perdaient, ils étaient finis pour la WWE. Oui, le boulot, les trois d'ailleurs, les trois. Les trois Rhodes, hein. Bah oui, c'est pour ça en fait, à la fin j'ai fait bah merde, ils ont pas les ceintures, donc j'ai pas compris au début. Et en fait, je me suis dit, bah non, le match n'est pas pour le titre. Après, c'est vrai, là, je vous rejoins. C'est vrai qu'au début, j'ai dit que le Del Rio, Rob Van Damme, était le meilleur match de la soirée. J'avais oublié celui-là aussi. C'est vrai que celui-là, niveau émotion, c'était quand même du très très lourd. Et même dans le ring, c'était quand même quelque chose, ça envoyait pas mal. Et déjà, moi, ce qui m'a mis direct dans le match, c'était le maquillage de Goldust. Oh, le maquillage de Alors, Goldust, j'en ai pas parlé, mais il était putain. sublime. Le noir qui le caractérisait en mode. En En mode, mode en mode, je suis vénère, vénère. vénère, quoi. Je suis vénère, je suis chaud, je suis d'attaque et tout. Ça, franchement, ça a changé de son maquillage habituel. Moi, ça m'a mis direct dedans. Et après, l'union de la famille aussi, ouais, c'est vachement sympa à voir. Ça fait vraiment des belles images à la fin. Et Je voulais voilà, poster quoi. l'image des trois Rhodes qui se tiennent le point en avant. Elle est sublime, cette image. Vous verrez, elle est juste extraordinaire. Ah oui, sur Facebook. Ah, c'est vrai. Ouais, Non, c'est elle est vrai, sur non, mais Twitter, c'est. pas sur Facebook. Ah d'accord, ok. Bon. Ben, désolé Non, pour mais c'est vrai que les ça fait fans des de belles images, foot. hein, mais après, je comprends pas trop l'intérêt de ramener le roster à la fin, par contre, honnêtement, Parce que c'est comme je c'est t'ai dit, plus une ils image, jouaient hein, leur plus, voilà. ouais, voilà, parce que ah oui, déjà, c'est à vrai, ouais, l'époque, j'avais oublié ça. quand Cody avait été viré, c'était le début des frémissements un petit peu de l'histoire avec Triple H, Ouais, ouais, ouais, Triple ouais. H, pardon, le soulèvement du vestiaire, quoi. Donc, voilà. Ouais, non, sincèrement, Tifo, c'est logique, hein. C'est juste que t'as peut-être un peu zappé le truc, mais c'est normal, en fait, hein. Ouais, mais Ouais, Tifo. bah oui, oui. Oui, mais justement, ça me fait penser, je vais rebondir. T'avais évoqué un point, tu croyais que c'était pour être par équipe, mais justement, est-ce que ben, dans l'immédiat, ils pourraient feuder Cody et Goldust avec Reigns et Rollins pour un prochain match à une seule éventuellement pour être. Non, parce que si c'est pour les faire perdre, c'est pas la peine. Ben, disons que bon, Goldust a signé pour un petit run et puis son rêve ce serait ben de finir par un match contre Cody à WrestleMania. Est-ce que tout ça c'est possible? Est-ce que je sais Oui, pas. ça c'est Renaud, possible. Oui, Tifo, est-ce finir que vous contre pensez? Cody. Bah non, Non, mais moi je pense que c'est honnêtement, possible. tu les fais gagner par équipe. Après, ils se disputent et puis ils finissent à Bien WrestleMania. sûr, bien sûr. C'est Hein, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait bah oui, c'est crédible. clair. Ouais. Non, pour Non, moi, il mais n'y a moi aucun je les vois problème dans pas. les deux cas. Hein. J'arrive pas à les imaginer champions parce que comme je vous ai dit quand même, tant que les Non, titres peut-être pas sont champion, pas. mais à feuder quoi, dans l'immédiat avec. Ah ouais, mais non, je trouverais ça bête. Je trouverais ça idiot de le faire dans l'immédiat en tout cas, parce que Goldust, je crois que d'ailleurs il va s'absenter un petit peu parce il reviendra pour la période de WrestleMania, ça c'est sûr. Mais je crois Non, non, qu'il il va s'absenter. s'absente pas, hein. Non, parce Non, qu'il non, au doit être, contraire, il il a va être annulé au ses show. shows, il a annulé les dates prévues pour les shows indie, hein. Je Ah pense ouais? qu'il est vraiment là, ça y est, ouais. Bah, de Ah toute bon, façon, ben, non, mais d'accord. parce qu'en fait, il a signé vraiment un contrat à court terme, un peu Ouais. comme Rob Van Damme a fait avec Exactement, ouais. l'ancien contrat. D'accord. D'accord. Non, parce qu'en fait, franchement, je vois pas The Shield perdre des titres par équipe maintenant. Parce que si The Shield perd des titres par équipe, pour moi, le jour où ils vont perdre des titres, ça signifiera la fin du clan. Et le clan va pas se terminer maintenant. Bon, de toute façon, moi, je vais vous dire, hein, ils vont perdre les titres par équipe contre Los Matadores. Voilà, fallait en parler. Avec El Avec Torito. ton El Torito là, Ah qui oui, le s'attelle fameux El contre Torito. Torito, oui. Ah ben celui-là, il est remarquable quand même. Hein. Oui, c'est bien, mais ça va nous lasser. Oui, non, je dis ça, c'était Ça pour les va placer faire au titre. un effet Brodusclé. brodusclé, voilà, ça va nous saouler au bout d'un moment. Parce que brodusclé, au début, on chantait tous, on était tous funky, t'as vu? Et puis un jour, D'ailleurs, il y a et eu puis un un jour, ça nous événement. a saoulé, quoi. Il y a eu un événement à Main Event, là, le show de Main Event cette semaine, qui portait plus que mal son nom d'ailleurs. Mais les FreeMB ont enfin gagné. C'est vrai que là, Tensai et Contre Brodusclé, c'est une ouais. catastrophe, du coup, ils perdent tout. Ouais. Mais bon, on s'en Et en fait, fout. c'est qui Los Matadores, juste pour C'est savoir. Epico et Primo. Primo et. Ouais, voilà, Epico et Ah, Primo. d'accord. Et El Torito, Super. c'est Mascarita Dorada, c'est un mini qui vient du Mexique, très talentueux. Bah, là-bas, ils ont toute une division, quoi. C'est impressionnant. Est-ce Voilà. qu'on va avoir le droit des matchs entre El Torito et Hornswoggle? Ce serait déséquilibré, putain. Ouais, mais d'une force. déjà, quand tu le vois, Non, parce qu'on doit quand tu le en vois, ce qu'il parler quand faisait avec même. Slater, c'était impressionnant, quand même. Waouh. Ouais. Ils sont face, hein? Oui, Sans face, ouais. en Ils sont face. face. Olé! Voilà. Donc voilà, ben, le point par équipe, c'est vrai qu'on attend toujours l'équipe qui va pouvoir détrôner The Shield. On a cru D'ailleurs, je me voir demande bien qu'ils disparaissent à nouveau, mais bon. si jamais la WWE fait un show anime dans les arènes, parce que ça a Rendez-vous déjà eu l'année lieu prochaine. deux fois. Oui, ça serait l'année prochaine, du coup, à cette époque-là. Mais si les deux y sont, ils vont avoir une pop de malade parce que à Nîmes, c'est toute une culture, la corrida. Alors, t'imagines même pas si, Et d'ailleurs, dans leur clip, tu avais fait remarquer qu'il y a une Mais à faute. les arènes de Nîmes, ouais. Voilà. Comme quoi. Ah, ils ont été marqués quand ils sont venus. Avec un gars qui gueule, tête pièce partout. Bref. Non, non, non, mais franchement, c'était dit par plusieurs personnes, hein, par plusieurs lutteurs de la WWE. C'est l'endroit où ils ont préféré catcher dans les arènes de Nîmes parce que ils se sont crus comme des gladiateurs. C'est un super endroit à voir du catch. Franchement, c'est, si vous avez l'occasion, si vous habitez la région de Nîmes, j'y suis allé, moi, il y a l'année dernière, je crois. Non, il y a 2 ans déjà, putain. J'y suis allé il y a 2 ans, franchement, ça valait le coup, hein. Dans les arènes, c'est une ambiance particulière. Ah, ben, c'était les arènes. Le point Jean-Pierre Pernaut. C'est propice à un combat. Voilà, c'est ça. Nos régions ont du talent. pour revenir aux impressions du match, Sébastien qui a dit que c'est l'un des points forts du show. À vrai dire, le point fort du show. Bon travail de tout le monde impliqué dans ce combat. Bonne psychologie, bonne action, fin de match de qualité, bien fait. Et puis Grégory Gourdou qui a dit bon match, pour moi le meilleur de la soirée, les deux teams ont fait le taf, chacun a sa période avec de bonnes connexions entre chaque équipe. Pour The Shield on commence à avoir l'habitude des bons matchs, pour la team Rhodes j'espère qu'ils continueront ensemble pendant quelques temps car ils ont montré de belles choses. Bah ma foi oui, bah, ça mérite les compliments. Ça. Voilà. Mais par contre, je suis pas sûr que le prochain match va avoir tous les compliments, on va voir le premier match, le deuxième match pardon, j'ai une bêtise. Un pay-per-view de Bray Wyatt qui avait écarté précédemment Kane et qui là cette fois-ci affronté Kofi Kingston, celui qu'on case comme ça quand on a envie de faire un match, un pay-per-view. Victoire de Bray Wyatt en 8 minutes et 27 secondes. Ça voilà. A duré trop longtemps, c'est la seule chose que je dirais. Voilà, on va passer tout de suite à Tifo alors. Le pauvre. Eh ben... Patate chaude. Oh là là. Ah, c'est clair. Non mais déjà tu sais même pas d'où elle sort, enfin Kofi Kingston, Bray Wyatt, d'accord, tu sais pas d'où ça sort, c'est cool. Ah, c'est juste que, bon on va dire que lors du tout dernier SmackDown avant le pay-per-view d'un coup, arrivé dans le noir et puis vas-y c'est toi que je cible pour faire tomber par terre et puis voilà. Non mais génial, déjà j'avais dit que enfin la Wyatt Family déjà ça me branchait pas vraiment, à part leur musique d'entrée, là ça se confirme, enfin... La musique d'entrée. Ouais mais le personnage est bon. Le personnage est pas mauvais, mais dans le ring, c'est nul. Mmh. C'est tout. Ah oui. Bah là, je suis d'accord. Il a besoin de progresser vraiment. Il a presque le niveau de son frère, qui est malheureusement champion NXT. Mais sinon, l'entrée, ouais, bah, c'est d'ailleurs, je pense quand même la première fois qu'ils sont apparus, il y a eu une pop incroyable, d'ailleurs, à l'époque. Ah ouais. Et ils ont toujours une bonne pop, hein, mine de rien. J'ai oui. Remarqué. Ah oui, oui. Mais après, c'est vrai que dès que le match commence, voilà, quoi. Ça s'endort. T'as même des champs qui ont rien à voir pendant le match et tout ça. Ouais, c'est assez cruel, là. Ouais non mais le truc c'est qu'il est pas intéressant in ring, mais c'est après c'est dans sa gimmick que le type est intéressant. Vous vous rappelez de Skiaris concrètement? Oh bah moi oui, vraiment de Skiaris. Le membre anonyme de la New Nexus qui est ensuite on s'en souvient mais comme ça quoi. Bah, c'est lui quoi. Non mais moi je trouve c'est vas-y. Ouais. Non ouais, moi je trouve que son personnage lui colle à merveille et le mec je le trouve excellent dans son personnage. Sa façon de faire là, il s'est mis en mode exorciste à un moment donné, on a eu le replay au ralenti, on aurait cru voir la meuf de l'exorciste quand elle cale les escaliers dans le film, tu sais. Ouais, à l'envers. D'ailleurs Kofi Kingston, ça lui a fait peur, il est parti du ring après. Ouais, il a eu peur, il a cru voir l'exorciste en live. Non, mais moi sincèrement les gars, le combat je l'ai pas trouvé mauvais hein. Donc je suis désolé mais bon, c'est mon avis après tout mais Ah mais attends, ben, c'est bien hein, quelqu'un qui a apprécié ma foi. Non, moi je l'ai pas trouvé mauvais et je trouve que moi je trouve Bray Wyatt je trouve que ce qu'il fait dans le ring, ça lui colle parfaitement à sa gimmick quoi. Donc c'est un mec quand je le vois physiquement, j'attends pas plus en fait. Il est en mode bourrin, il est en mode destructeur et vous me dites pas que vous aimez pas son crossbody là, sa sorte de crossbody de côté quand il fonce sur le mec. C'est tout ce qu'il a, mais c'est déjà super impressionnant. Il y a Mac Knox qui faisait aussi ce genre de prise à un moment donné. Attends, c'est super impressionnant. On a eu un replay au ralenti. Tu sens l'impact, le choc sur Kofi, la transpiration giclée du corps à Kofi. Là. Moi, je trouve ça excellent. C'est sensuel. Ça, hein. Pardon. Non, mais l'image est très belle. Je trouve l'image, voilà. Pour ceux qui disent oh, le catch c'est faux, bon, tu leur fous cette image devant leur gueule, au moins ils vont penser à autre chose. Mais voilà. Ils vont passer à des films porno gays, donc non. Non mais c'est ça l'équipe de Westos Radio, il y en a qui aiment, il y en a qui détestent, tant mieux. Là, il y en a. Moi j'aime la Wyatt Family, je trouve la musique d'entrée excellente, le personnage que joue Bray Wyatt, il le fait à merveille, il est vraiment excellent dans son truc. Bon peut-être qu'on verra s'il y aura peut-être des améliorations, peut-être un peu plus de prise ouais dans l'avenir, on verra bien, mais ce crossbody et son finish aussi je le trouve très bien, sur Abigail. Et voilà, j'ai regardé le match avec beaucoup d'intérêt. moi ça m'a pas déçu. Donc, ouais. Je trouve ça sympa. Je te rejoins dans le fait que moi aussi j'adhère complètement à la Wyatt Family, c'est pas ça le souci. C'est moi je me demande si on les a pas lancés trop tôt. Non, jamais de timing, surtout qu'ils ont pas une adversité énorme. Ouais. Ouais, voilà, c'est parce qu'on a, au final, on a rien de plus à leur proposer qu'un match contre Kofi Kingston, quoi. C'est pour ça que je dis ça. Parce que, au final, ils font pas grand chose depuis qu'ils sont arrivés. Ils ont juste évincé Kane, bon, vous me direz, évincé ouais, mais Kane, après, c'est énorme. Évincé, oui et non, parce que Kane, oui. Kane va revenir d'ici peu parce qu'il a tourné son film. Oui, parce que c'était juste histoire de qu'il ait tourné, Non mais Gus, ça c'est un match bouche-trou pour qu'on puisse voir Bray Wyatt en pay-per-view, rien de plus. Ah oui, mais justement, ça veut dire. On est d'accord. Oui, mais justement, ça veut dire qu'ils ont rien de concret pour le moment à proposer à Bray Wyatt. En attendant, ils le montrent quand même en pay-per-view. Ils auraient pu le zapper et pas le montrer. Moi, je te dis que de toute façon, Triple H, il est derrière tout ça et il appuie vraiment la Wyatt Family. Moi, je dis qu'il y aura un très bel avenir pour Bray Wyatt à la fédération. J'en suis oui, persuadé. En effet, on va les entendre souvent dire We here. C'est classe. Ouais, ouais, mais en tout cas, là, je vous entends, mais vous parlez surtout de Bray Wyatt. À côté, les deux autres, on les voit pas, quoi. Ben, c'est qu'ils sont utilisés comme larbin, ouais, voilà. Concrètement, tu fais le personnage juste Bray Wyatt tout seul. Pour moi, ça le fait le même effet. Il aurait moins de charme. Ouais, je suis pas sûr. Pour moi, non. Mais c'est un gourou, Tifo. C'est un gourou, donc il attire des gens autour de lui, tu vois. Il a lavé le cerveau des. Ouais, c'est un peu comme à l'époque de la c'est un petit peu comme à l'époque de la Strategy Society. Hein. Ouais, je veux bien, mais ça sert à rien. Ouais, c'est vrai, mais bon, après, c'est vrai qu'il sert à rien à côté. T'imaginais si CM Punk, en tant que chef de plan de la Strategy Society, avec personne derrière lui? Déjà que la Strategy Society, ouais. C'était pourri, alors imagine. Ah oui, des bons souvenirs, tout ça, oui. Bon, ben, on va passer, je pense, un petit peu à la suite. Ouais. Avec les réactions à Sébastien qui dit match qu'on aurait pu là encore voir en weekly, mais bon, on fait monter Wyatt progressivement, ça a duré un poil trop longtemps, mais les dernières minutes étaient cool. Plutôt dans le sens de Renault, donc qui sera le prochain intérimaire qu'on fait valoir de Wyatt? Arthrus, oh pardon, immédiat, non, vivement le retour de Kane, que l'on suive un développement important pour la famille Wyatt. Et Grégory Gourdou qui a dit match moyen avec victoire de Wyatt sans surprise. Comme le match contre Kane a l'intérêt de te faire monter Wyatt en puissance. J'attends de voir la suite et selon les rumeurs, le retour de Kane avec ou contre la Wyatt Family. Voilà, donc mais on passe avec un match, j'avais pas trop envie d'y passer dessus, mais enfin bon, tant pis, il faut le faire. Hein. Si, parce que moi j'ai des rectifications. C'est CM Punk qui bat Ryback après 14 minutes 47 secondes. Moi j'y vais très vite, je sais pas pourquoi, mais après un low blow. Oh là là, mon dieu. Ouais, CM Punk n'arrive toujours pas à battre Ryback cleanement, c'est cool. Ouais, mais là, honnêtement, moi je m'y attendais, mais c'est le scénario du match qui m'a déplu. Ryback qui était chargé de mener le match, c'était une mauvaise idée. La dynamique du puissant, d'accord, mais là non. Avec CM Punk, tu peux pas faire ça. Du coup, pour moi, c'était le plus mauvais match de CM Punk depuis des lustres. Bon, Renaud, t'as pensé quoi? J'ai trouvé la domination très très chiante, très pénible, très lente. Et ils ont donné les clés à Ryback par rapport à la différence de gabarit. Ils ont voulu faire en sorte que ça lui qui domine, mais c'était très chiant. Puis Punk, je sais pas, je l'ai trouvé peut-être moins investi, je sais pas. Il se proclame best in the world, mais quand t'es best in the world, même un mec comme Ryback, t'arrives à le mettre over. J'adore CM Punk, c'est vraiment un catcheur excellent, mais je sais pas. Ouais, quoi. Quand Shawn Michaels affrontait le Big Show, le match était super. Quand Bret Hart affrontait un poids lourd, il arrivait à sortir un gros combat face à ce gars-là, et je trouve que Punk, c'est ça qui lui manque pour moi. Pour moi, Punk, il lui manque ça. Voilà. Non, mais c'est un Punk, en fait, il a trop laissé Ryback à avoir les clés, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. C'est voilà, c'est Tifo. Ryback qui l'a eu. Après, c'est peut-être le... Non, Tifo, plus après. Non, mais juste, je dis ça. C'est juste le booking qui était comme ça, et ça, c'est pas la faute de Punk ou de Ryback, c'est juste que le booker qui a signé. Ah, mais non, mais je dis, c'est une erreur, là, de faire comme ça. C'est une erreur de booking, voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Et c'est très chiant, et juste, excuse-moi Tifo, mais je reviens juste sur la fin très vite, la fin elle est nulle. Elle est nulle la fin, c'est nul. Oui, Tifo. C'est très nul, vas-y Tifo. Putain de merde, dégagez-moi ce Ryback de la fédération, c'est tout, ce mec ne sert à rien, il ne sait pas porter un match, il ne sait pas vendre des prises, il est mauvais, c'est tout. Même un super catcheur qu'il a en face de lui qui peut te sortir des matchs de fou, il n'arrive même pas à en faire bon usage. C'était un match de merde, ça me saoule, ce mec m'intéresse pas, voilà, c'est mon coup de gueule. Ah, bravo. Et en plus, on lui rajoute Paul Heyman. Bouh. C'est un scandale. Et oui. Mais voilà, sérieusement, faut arrêter. Le pauvre Paul Heyman, oui, passé de Brock Lesnar à Ryback, pour l'instant, malheureusement, Brock c'est Lesnar, pas Brock Lesnar, au début, je suis désolé, c'était Paul Heyman, c'était la même chose. À l'époque, Brock Lesnar est arrivé. Attends, la première apparition de Brock Lesnar, je suis désolé, il n'y avait aucune réaction. Oui, ça n'a rien à voir. Là, on parle du mec. Ryback, ça fait un an qu'il a déjà lutté pour la WWE. Il a été poussé comme pas possible. Et puis voilà, à l'arrivée, il bite toujours autant. Il a rien montré. Il a des problèmes de booking, Ryback. C'est pas que sa faute, les gars. Arrêtez, putain de merde. Non, mais il serait bien. Il y a un moment, il faut qu'il prenne sa chance. Il n'arrive pas à la prendre. Il fait jamais de réaction. Il sert à rien. Attends, t'as vu dans le coin olympique aussi? Attends, faut qu'il le boulot du booker. Ouais, mais après Ryback, je veux dire, parce que il y a le segment en Raw après, pour moi, Ryback, il montre que ça le fait chier d'être impliqué là, il est pas à l'aise. Et ça, quand montre ça, ça envoie que les signaux négatifs, donc, du coup, personne réagit, ouais. Il y a un problème, hein, mais bon. T'as pensé quoi du match, alors? Le match était bidon, je suis fan de Ryback, hein, mais je sais très bien que Ryback a des capacités in-ring très très limitées. Mais non, faut arrêter de... Ryback n'a pas de personnage et des capacités in-ring très très limitées. Donc, ah, bien sûr que si, il a un personnage. Son personnage, c'est la grosse brute qui détruit tout le monde, qui détruit tout, qui est censé tout détruire sur son passage. Ouais. C'est ça, la base. Il y a un mois, on était en train de le voir victimiser des mecs dans le vestiaire. Attends, super. Non, il y a aucun personnage, je suis pas d'accord. Si, de base, sa gimmick de Ryback, c'est la grosse brute qui vient du Nevada, qui veut détruire tout sur son passage. À la base, la gimmick de Ryback, c'est devenu trop simple. Ah oui, mais c'est à cause de qui? C'est pas à cause de lui, hein. C'est à cause des bookers qui font n'importe quoi. Les bookers ont foiré vraiment ce que Ryback aurait pu devenir. Ça, par contre, c'est clair. Attendez, les gars, quand tu le vois l'année dernière où il n'arrivait pas, les seuls matchs qu'il perdait, c'était d'une manière pas clean. Franchement, non, je suis pas concrètement. Il aurait pas eu le Shield, il aurait été champion de la WWE. Il aurait pas eu Brad Maddox, il aurait été champion de la WWE. Ça a rien à voir. Après, c'est des histoires de booking complètement moisies pour lui. Il a pas de chance, c'est tout. Non, mais même à côté, attends, tu vois pas, franchement, il a pas de charisme, ce mec, honnêtement. Ah, tu te fous de ma gueule ou quoi? Bien sûr que si, il a du charisme. Mais non, ça, c'est un avis personnel. Moi, j'avoue, je suis de l'avis de Tifo, ouais. Il a pas de charisme. Voilà. Franchement, il a une gueule qui fait parler, moi je l'ai dit tout à l'heure personnellement, hein, c'est que il donne pas l'impression de s'intéresser à lui dans les médias. Quand il y a un truc qui fait chier, il le montre, donc En même temps, t'as vu ce qu'on lui propose? Et affronter CM Punk, c'est pas dégueulasse, c'est ça le problème. Non mais t'as vu la manière dont on lui propose. Faire des bisous à Paul Heyman, je crois que ça l'amuse. Oui, bon, après, c'est sûr, on a atteint le summum à un moment de la peur. C'est que au Raw d'avant, la WWE teasait limite que Paul Heyman allait lui faire une demande de mariage. Ouais, voilà. Mais à l'arrivée, c'était une demande pour être Paul Heyman guy. Voilà. Bon. Enfin, non, mais de toute façon, on laisse pas l'éclair à Ryback dans un match contre CM Punk. Non, c'était la grosse erreur du match, oui, voilà. Après, ça a tué CM Punk de A à Z. C'est pas possible. Non, moi je le redis, hein, c'est une erreur de booking, c'est tout. Il faut vraiment que les bookers se posent des questions avec Ryback pour comment mieux l'utiliser, parce qu'il l'utilise vraiment très très mal. Et c'est ça qui lui porte préjudice, c'est pas à cause de lui. Non, mais je suis bien d'accord maintenant, ok, ils peuvent revoir comment l'utiliser, mais il faudrait changer son personnage, parce que ok, ils vont le réutiliser, mais en destructeur, il serait plus crédible du tout. Faut changer le personnage. Non, c'est mort, il fait des bisous et tout maintenant. C'est... Bah voilà, exactement, faut changer le personnage, c'est tout. Non, mais oui, j'ai peur qu'il fasse revenir en je viens du futur. Non, faites surtout pas ça, c'est de la merde, ça, c'est une mauvaise idée de base. Entre Marc Henry à WrestleMania, à partir de là, ils ont vraiment enterré. Je peux te dire qu'ils ont l'erreur, la première véritable erreur sur Ryback, c'est de pas l'avoir fait participer à l'Elimination Chamber. Déjà, d'une. Pour en plus qu'il prenne le tombé à Elimination dans le Chamber, donc aussi contre le Shield, c'est lui qui prend le tombé. Bon, après un spear, après un spear monumental de Roman Reigns, mais c'est pas l'agression. Puis après, il a enchaîné, il a quand même enchaîné une série de défaites monstrueuses. Bon, et après, il a eu ses chances contre Cena pour le titre WWE. Encore une fois, je vais me répéter, mais les matchs contre Cena pour le titre WWE étaient loin d'être mauvais. C'est aujourd'hui les matchs références de Ryback à la WWE. Il faut lui donner quelqu'un qui est à peu près le même gabarit que lui. Enfin, la tendance à sa seule victoire, c'est contre Jericho sur un roll-up à Money in the Bank, voilà. Ça fait de la peine, ouais. Mais bon. Enfin, bon, mais on va passer aux réactions. Oui. On va passer aux réactions et Sébastien qui dit qu'on dirait toute la haine de CM Punk envers Paul Heyman a soudainement disparu. Il a fait un match de cash normal contre Ryback sans se soucier réellement de Paul Heyman. La fin de match à Loblaw n'est sans doute pas le meilleur choix. Ryback aurait dû gagner, au moins finir en position de force avec une attaque d'après-match. Et c'est vrai que, bah, lui, c'est vrai qu'il a dit, les lutteurs ont essayé, mais mauvais booking pour le coup. Donc, il est assez compatissant, ouais, un peu comme Gus, quoi. Voilà. Et Grigory Gourdou, par contre, a dit, décidément, les matchs Ryback contre Punk sont vraiment mauvais. L'année dernière, on avait eu le droit à un match tout pourri à l'Incel. Et là, replot, j'avais l'impression que ce match n'intéressait pas Punk. Pour ce qui est de Ryback, j'ai vraiment beaucoup de mal à lui. Dès qu'il a une bonne opportunité de se montrer, il foire. Voilà. Mais il intéressait pas Punk, il y a Ryback le match, hein. Non, mais c'est les avis, voilà. Comme quoi, ça part dans toutes les directions un petit peu. Ouais. Ça divise. Au moins, il y a des débats, c'est ça que j'aime bien. Ah, ben ça, c'est sûr. Ah oui, non, c'est sûr. Mais malheureusement, là, bah, il faut passer d'un débat à un autre. Sinon, on en a pour deux heures, c'est ça le souci. Oui. Et on passe vers un sacré morceau encore. Bah, ce fameux titre vacant toujours de la WWE depuis le lendemain de SummerSlam, de Night of Champions, pardon. Où Triple H avait retiré le titre à Daniel Bryan suite à fast count de Scott Armstrong et rebelote donc avec un autre match Daniel Bryan Randy Orton et là cette fois-ci no contest, incroyable, c'est très rare je pense en fin de pay-per-view. Tout de suite je vais passer presque la parole à Renaud, juste en précisant la durée du match, 25 minutes officiellement. Le Big Show qui est intervenu d'abord pour sortir l'arbitre. Big Show qui débarque alors que il y a Elias Locke, il vire l'arbitre alors que Orton allait taper. Ah oui, ça c'est oui, voilà. Oui. Ensuite, il met Brian KO. Ah oui, voilà, Maddox qui arrive et c'est Scott Armstrong qui arrive. Oui. T'as Orton qui fait le tomber, il vire Scott Armstrong, il fait un KO punch. Oui, le mec après, il remonte sur le ring, il met Orton KO sur le ring. Et là, mon dieu, oui, on peut s'imaginer des choses pour le mois prochain. Aïe, Big Show champion de la WWE. Bon, je sais pas, mais bon, en attendant, là, cette fin de pay-per-view, là, surtout, il y a des exemples que Renaud a en tête, je crois, de faire assez catastrophique. Ouais, exactement, ouais, j'ai un peu puisé dans ma DVD Tech et dans ma mémoire pour rechercher un peu les fins de show assez terribles, parce qu'on peut le dire, hein, ça, cette fin de pay-per-view, elle est terrible, ah ouais, elle est très moche. Alors, j'ai cherché aussi du côté de la WCW, j'ai pas pris de la WCW sous l'air Vince Russo, parce que bon, là, sinon, on y est encore, il est quelle heure, là, il est 22h, on y sera encore, c'est pas possible. Donc, j'en ai juste pris deux, par exemple, la WCW, Hank Sensord 99, t'as un Flair contre Hogan, en First Blood Match, dans la cage, c'est le main event. Flair, il saigne au bout de 5 minutes. Ok. Ouais. Flair, il saigne au bout de 5 minutes. L'arbitre fait pas sonner la cloche. Hogan, après, saigne aussi. Les deux saignent. Flair fait un tombé sur Hogan. Hogan fait le tombé sur Flair. L'arbitre, il lui dit, mais c'est pas pinfall. C'est un first blood match. Et finalement, c'est Flair qui gagne le match sur un tombé. Voilà. Le show est terminé comme ça. Allez chercher. Si vous avez mal à la tête, n'hésitez pas. Prenez un Doliprane, y a pas de souci. Sinon, Starcade 99. Alors, Starcade 99, c'est pas mal. T'as Bret Hart contre Bill Goldberg en main event. C'est la fin du show. Bret Hart, il porte son sharpshooter sur la fin du match. T'as Piper qui arrive. À l'entrée, habillé en arbitre. Tu sais pas pourquoi, il a rien à voir. Piper, il se ramène en arbitre. Il fait sonner la cloche, alors que Bret Hart est en train de porter le sharpshooter. Goldberg, il abandonne pas. Et il se barre avec la ceinture de champion du monde de Bret Hart. Bret Hart le suit. Il va sur la rampe d'entrée avec lui. Piper lui remet le titre et se casse. Le show se termine comme ça. Starcade 99, on n'a rien compris. Ils ont pu parler à Nitro derrière. Il n'y a pas eu de suite à ça. On n'a pas cherché. Oh là là. Voilà, c'est magnifique. Sinon, WWE, les gars, je sais pas si vous serez d'accord avec moi. Bon, je sais pas si là vous pouvez débattre avec moi. Breakdown 98, je sais pas si beaucoup l'ont vu, non. Mais ouais, c'est un triple threat match entre Kane, Undertaker et Steve Austin. C'est pour la ceinture de champion du monde. Oui, vas-y, oui. Et on rappelle. Ouais, il y a un double tombé de sans Kane. Sans les deux petits vieux quand même. Hein. t'as un double tombé de Kane et Undertaker qui en fait ils font tous les deux le tombé sur Steve Austin. Donc on sait pas à qui donner la ceinture de champion du monde. T'as McMahon qui prend la ceinture et qui se casse avec. La foule avait sifflé, c'est un truc de fou. Donc au final, c'est un peu comme là, on n'avait pas de champion. Sinon, j'ai pensé aussi à WrestleMania 27, vous vous en souvenez? Le Rock qui revient, il y a eu un double décompte extérieur. on est à WrestleMania, quoi. C'est le Miz contre Cena, le match, il est pourrave. Il y a un double décompte, le Rock, il revient. Il dit le show, il repart. Il fait un Rock Bottom sur le Miz. Oui, sur Cena, pardon. Et c'est le Miz qui gagne. Ça, c'était terrible pour un WrestleMania, c'est à oublier. Et j'ai pensé aussi à Breaking Point 2009, pour finir. Ils ont voulu refaire le Montréal Screwjob entre Undertaker et CM Punk, avec soi-disant Undertaker qui avait abandonné, alors que c'était pas le cas. Là aussi, c'est à oublier. Donc, ouais, voilà pour la page historique, voilà. Que je me suis remémoré. Et puis la TNA, sinon... évidemment, en 2010, ça, c'est... oui, Victory Road. Ouais, avec le Sting Jeff Hardy, ouais. Oui, ou des passages à travers des rings aussi. Enfin bref, oui, non, mais c'est bien justement de voir que c'est pas la première. Et en plus, ce match était parti sur une mauvaise base parce qu'il y a une. Moi, je me rappelle bien de Match of Champions l'année dernière. Rappelez-vous. Non, mais pour conclure ce que dit Renaud, je me rappelle de Match of Champions l'année dernière où le punk China était juste sublime, hein, le match était magnifique et tout, et que ça se termine sur un double count out. Et juste, ben en fait le match aussi était mal lancé par une coupure d'électricité. Bon, ça s'est pas trop vu lors de la division d'AB1 évidemment, parce qu'avec le décalage de 15 minutes ils ont pu ajuster. Mais on a eu écran noir et puis une musique bizarre d'attente pendant 3-4 minutes. Mmh. Et puis il y a eu un précédent, c'était il y a 17 ans, c'était en 1996 à WWF In New House 8. Et le point commun, c'est qu'il y avait Goldust dans les deux chaînes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais c'est pas sa faute, ouais. Le pauvre, parce qu'il était énorme quand même ce soir. Enfin. Là, il était énorme, en tout cas, Battleground. Ces deux soirs-là étaient énormes, parce que son match contre Undertaker, c'est le soir où il affrontait l'Undertaker dans un casquette match pour le titre intercontinental, hein. Donc, le match était loin d'être mauvais, en plus. C'est vrai que comme champion intercontinental, à l'époque, il assurait. Mais sinon, on va revenir à Brian Orton, Gus, t'as pensé quoi? Ce match, il était meilleur qu'un Night of Champions, mais, Orton, plus impliqué aussi. Mais je sais pas, la FUD, elle ne m'intéresse plus depuis que Triple H, il a pris le titre, quoi. Je trouve ça con que le type qui enlève le titre WWE du champion, là, en l'occurrence, Daniel Bryan, et ben, après ça, il s'occupe plus du tout de la FUD, quoi. Il a plus rien fait, donc, du coup, j'étais là, regarder les héros, quand je les regardais, parce que pas tout le temps, parce que c'est quand même une libération de voir 3 heures de merde tous les lundis. Mais, moi, j'ai trouvé ça complètement con que Triple H n'ait pas eu plus à faire, en fait, dans les 3 dernières semaines, parce que, au final, ça m'a un petit peu désintéressé. J'avais quand même envie de voir le match, parce que c'est Brian Orton, et que c'est pour le championnat de WWE qui est vacant. Donc là, il y a un vrai suspense, pour le coup, parce qu'on sait pas qui va gagner. En l'occurrence, personne. Donc, c'est dommage, parce que la FUD avait un putain de potentiel. Elle a été gâchée par une décision de booking encore, hein, qui vont classer Triple H ailleurs. Et c'est dommage. C'est regrettable. Le match est bon sinon. Hein. Mais je vais rebondir sur l'analyse de Grégory Gourdou, qui a dit que j'ai trouvé un match un peu meilleur que Night of Champions. Malgré cela, le démarrage a été un peu long. À la fin, intervention de Big Show et le no contest est comme prévu sans surprise. Et j'aurais tendance à dire que oui, c'était vraiment sans surprise. Il y a qu'à voir les pronos. Beaucoup ont dit qu'il y aura aucun champion au sort de pay-per-view. Ah ben moi, je pense que t'en penses, ouais, vite fait, Gus, et après Tifo, alors. Vas-y, Gus. Non, mais moi, je, honnêtement, quand je fais les pronos, je pense jamais à dire personne, en fait. J'y pense jamais, Vrai que le Big Show, ça tournait beaucoup autour du fait qu'il était poussé à bout et tout ça, donc, voilà. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Bon, Tifo, vas-y. Non, mais là, enfin, moi, j'ai juste envie de dire que ça me saoule, quoi. Ça revient toujours au même. Triple H, il est chiant. C'est toujours son... Sa phrase. Ouais, c'est ça, il est heel, mais bon, c'est bon. Best for business, c'est bon. Bon, pas là, pour le coup, ça l'a été pas, hein, mais bon. Là, il y a un moment, faut arrêter avec ça, là. Ça bide complètement. Non, mais sinon, c'est pas que ça bide, hein. C'est que c'est non, ça, c'est pas mauvais, ça attire des réactions négatives du public, c'est recherché, quoi. Bah, oui, ça attire, mais... Regarde, avec toi, ça fonctionne, parce que ça t'enlace. C'est ce que cherche la WWE. La WWE cherche à ce que les fans se lassent de Triple H. C'est ce qui est en train de se passer. Ouais, mais non, attends. Là, la différence, c'est que moi, je me lasse pas de Triple H. C'est que je me lasse complètement de la WWE qui sont en train de produire. Non, là, non, mais c'est pas là, c'est le Triple H, je crois. Je sais pas ce que vous pensez, mais non, c'est plutôt le faire vraiment détester. C'est pas le lasser, non, ce serait grave. Oui, non, le lasser, je me suis compris. Oui, ben j'espère. Non, mais après, c'est après, même, ok, il y a Triple H, mais ce qu'il propose d'à côté, on a un Daniel Bryan qui est normalement au meilleur de sa forme, le meilleur Daniel Bryan qu'on ait eu en ce moment même, le mec, il est pris pour un con, quoi. C'est n'importe quoi. Non, justement. Après, ça lui sert. Ça lui sert, tout ça. Bah, ça lui sert. Dire ça lui sert. Et bien sûr que si, ça lui sert. Il a encore il a de plus en plus de réactions positives, ce type. Bien sûr que oui, ça lui sert. Bah, attends, c'était déjà très très positif. Ça lui sert en quoi? Les mecs, ils leur prennent le titre à chaque fois. Ça va faire de lui le véritable nouveau visage que la WWE attend pour la prochaine. J'espère bien, mais bon, il y a un moment, le visage de la WWE, c'est bon, ça saoule. Le nouvel Austin, ben, c'est Bryan. Oui, bon, on en avait parlé dernière fois, ça. Voilà, on a déjà parlé. Ouais. Alors, aussi, mais voilà, c'est chiant. Là. Je suis arrivé à un point où j'ai regardé le match, mais sans juger la qualité du match, quoi. Parce que pour moi, c'était couru d'avance qu'il allait se passer un truc qu'à la fin, qu'il n'y aurait pas eu de nouveau champion. La fin, avec le Big Show qui arrive, c'est du grand n'importe quoi. Moi, ça me donne même pas envie de regarder la suite. Honnêtement, c'est le mec, il arrive, il met deux arbitres KO. Première nouvelle, il n'y a que deux arbitres à la WWE. Il n'y en a pas un troisième qui peut venir, Non, mais ça, c'est symbolique, parce que c'était le gars qui avait été viré, mais là, qui a été réembauché à cette occasion, quoi, voilà. Mais ah ouais, mais c'est n'importe quoi, justement, moi, à un moment, il n'y a plus aucune logique, quoi, honnêtement, ça me déçoit, voilà, c'est décevant, parce qu'il y a vraiment, comme t'as dit, Gus, il y a vraiment du potentiel. Tu peux vraiment faire des super trucs, et au final, on est toujours déçu à la fin, ça manque cruellement d'intensité, C'est pas bon, honnêtement, voilà, pour moi, c'est pas bon du tout. Et Renaud, t'as pensé quoi du match prévisible, le scénario pour toi Bon, moi aussi, hein, comme Gus aussi, je pensais quand même qu'il y aurait un champion. Après, c'est vrai que c'est Battleground, c'est un pay-per-view qui apparemment va être très très secondaire, je sais même pas si on en aura un l'année prochaine. De Battleground, je sais pas s'ils vont continuer le concept, ouais, je sais pas. Hein. Orton, on lui a déjà retiré le titre. Bryan, on lui a retiré le titre. Ils allaient pas redonner le titre à un des deux pour peut-être le refaire perdre après à In the Cell. Je sais pas. Ils sont partis dans un délire. C'est Sébastien qui a dit exactement ça. Voilà, comme ça au moins. Ouais, ça m'évite de dire sa réaction. Mais, par contre, moi, je reviens juste sur le combat. Moi, j'ai trouvé que le combat, il était bon. C'était un bon combat. Le combat est bon, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est un bon combat, peut-être un peu trop d'Orton comparé à Bryan dans la domination, même si moi je préfère Randy Orton et je trouve qu'il se sent mieux Randy Orton dans les matchs sans stipulation. Je trouve que c'est vraiment un catcheur à l'ancienne. Mais surtout dans ce style, parce que Orton, surtout depuis Night of Champions, il est redevenu le Orton qui peut se lâcher en heel, quoi. Voilà. On est d'accord, c'est exactement ça que je veux dire, en heel. Ce mec, tu le sens que lui, dans les 1 contre 1, ça lui plaît. Tu lui mets une stipulation, ça va pas l'intéresser. Il est vraiment très fort dans les 1 contre 1, et quand il domine, c'est pas mal. Après, c'est sûr que voilà, oui, c'est très lent, quoi. Il est dans sa domination à lui, c'est assez lent, mais je trouve ça bien construit et très propre. Donc, j'ai trouvé le combat bon, un bon combat. Bon combat de catch. Ben, on va passer aux notes, je pense, il n'y a rien à rajouter. Ouais. Donc, sur 10, ta note Tifo. Tifo, oui. Pardon, j'allais dire Gus au départ. Oui, il est là, Tifo. ouais, je suis là, je suis en train de réfléchir à la note. Ouais, je vais donner 3. Parce que, il y a un bon opener, ça reste, l'opener reste correct. Un bon match avec la famille Rhodes. Mais sinon, sans ça, moi, je me suis fait chier. Voilà, concrètement. 3. Ouais, bah, c'est pas mal, les 3, c'est aussi ma note. Celle de Gus. 4,5 parce que tout simplement parce que je l'ai quand même trouvé meilleur que Night of Champions parce que l'opener est pas mauvais. Le Cody Rhodes contre le Cody Rhodes Goldust contre The Shield, c'est une merveille à 4 étoiles. Et à côté de ça, on a le main event qui est pas mauvais mais pas exceptionnel non plus. Donc au final ça reste quand même meilleur que Night of Champions, c'est que j'avais noté 4. Donc de base je voulais mettre en dessous de 4 parce qu'on avait quand même du booking pourri, mais je peux pas mettre en dessous de 4 parce que je les préfère à Night of Champions, du coup ce sera 4,5. Ouais, piégé par la note précédente. Ah. Et oui, je me suis fait avoir. Et celle de Renault? Moi je mets 5. Je lui mets la moyenne pour l'opener et surtout pour le travail des Rhodes et du Shield pour ce match assez énorme quand même, et l'intensité qu'il y avait. Et puis j'ai trouvé le main event bon. Dans le style. Après, la fin m'a beaucoup gêné, mais je l'ai trouvé bon. Et puis, Curtis Axel est un catcheur que j'ai envie de suivre, et Bray Wyatt aussi. Donc, 5. Merci Renaud pour cette explication très complète. Bon, en attendant, attention, le suspense pour cette grosse note. Ta note aussi, Bruce. J'ai dit 3 tout à l'heure. J'ai pas entendu. J'ai dit 3, malgré quand même que ouais, j'ai le même avis à peu près que toi, Gus, je crois, ouais, que ben moi j'ai bien aimé l'opener, voilà, bon, sans plus, et puis ensuite Shield contre Cody et Goldust, excellent bien sûr, donc c'est ça qui rehausse la note, mais malheureusement, ben, il y a un mauvais goût de pay-per-view, un peu de foutage de gueule, donc et la fin compte beaucoup aussi, donc voilà, et puis CM Punk, ça faisait mal, donc voilà. Et en attendant, ben, petit avis de Grégory Gourdou qui a dit bref, comme prévu, Pépérou pas terrible, il est à l'image des deux ou trois derniers Raw assez médiocres. J'avais l'impression d'assister à un Raw plutôt qu'à un pay-per-view. Les storylines stagnent. Ce Pépérou début octobre est comme chaque année mal placé dans le calendrier. Et il a même rajouté une note, ben, comme Gus, 4,5. Et l'avis de Sébastien qui dit au final mauvais pay-per-view, un poil meilleur que Night of Champions, mais de mauvaise facture pour autant. L'acheteur du pay-per-view ne peut être que frustré par son achat. Est-ce qu'il va se rembourser d'ailleurs avec le global plus et... Non, alors. Même si le déroulé global du show était prévisible, les gens auraient mieux fait de sauver leur argent pour les trois derniers pay-per-view de l'année, qui seront tous trois des pay-per-view importants, c'est vrai. Mine de rien, Hell in a Cell, Survivor Series et TLC, ouais. Bah, si on va voir série, ils seront pas à louper, à mon avis, ça risque d'être un des pay-per-view de l'année. Oui, bah, il y aura là beaucoup de préparation. Ce qu'ils ont préparé, ça va être excellent. Et oui. Mais comme vous l'attendez, la note suprême, donc au final, l'équipe a noté 3,87. Voilà. Ouh, c'est un des plus bas, ça, de l'année, hein. Oui, de l'année, oui, c'est vrai. Parce que sinon, l'année dernière, il y a Je crois qu'il le Royal, je crois que, oui, je crois qu'il y a que le Royal Rumble qui est plus bas cette année. Oui, c'est vrai. Ah oui, le Royal Rumble, ben, comme quoi, ouais, premier PPV de l'année, mais là, c'est normal, un PPV pas préparé, bâclé, tout ça, forcément. J'ai peur de voir pareil dans 3 semaines, enfin, dans 2 semaines, là, vu que maintenant, hein. J'ai peur qu'on assiste à peu près à la même chose. Oh, ben justement, on va en parler brièvement. Hell in a Cell qui a commencé très très fort dans l'annonce des matchs, avec deux matchs annoncés. Ben avec ben Randy Orton et Bryan, match 3. cette fois-ci, quand même, pas dérangeant, parce qu'au final, Hell in a Cell, il y a une vraie histoire. Oui, non, mais en plus, ce sera dans une Hell in a Cell, et en plus, ce sera arbitré par Shawn Michaels, ce grand spécialiste de ces matchs, après avoir arbitré Triple H Undertaker à WrestleMania il y a 18 mois maintenant. 28. Est-ce que HBK va tourner? Oh, c'est pas le but, je pensais. Bon, c'est vrai, dans l'histoire, c'est un ami de Triple H, et en vrai, c'est le formateur de Daniel Bryan, et donc. Et oui. C'est pour ça que moi, je me dis, ça peut être une histoire hyper intéressante. À voir, je sais pas, vous invite. Moi, ce match-là, je l'attends. Oh, si. Je l'attends juste parce qu'il y a HBK. Juste parce que je sais qu'il va y avoir un truc de fou. Mais est-ce que HBK va pas éclipser les deux, alors Tifo et Renault, vous pensez? Non. Bah ouais, c'est vrai que non, j'étais pas au courant du match justement qui allait se passer. Je trouve que c'est une bonne idée en fait de mettre HBK en arbitre, parce qu'on sait que ça a été l'entraîneur, enfin je sais pas s'il l'est toujours, mais de David Bryan. Son entraîneur. Oui, enfin voilà, ça reste quand même... C'est un mentor. Ouais, voilà. Voilà, un mentor, exactement, c'est le terme que je cherchais. Et donc, ça va être soit pour Bryan, soit pour Orton, qui est associé avec Triple H. Donc, ça risque de créer des tensions, et ça peut être pas mal. Surtout, ça va être dans Hell in a Cell, bien sûr. Oui. Ah oui. Ouais, il y a deux matchs pourraient-ils, d'ailleurs, on parlera d'autres après, mais ouais. Bah, surtout dedans, je pense que ça peut être assez explosif, et ça peut être pas mal du tout. Savoir de quel côté va être Shawn Michaels surtout. Bah après, c'est sûr que ça peut tourner un peu autour de ça, mais justement, ça va élever la tension que je vais porter au match, quoi, c'est sûr. Ouais, pareil. Pareil que vous, ça va ajouter un suspense énorme d'avoir Shawn Michaels en arbitre. Qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va choisir son élève? Est-ce qu'il va choisir son meilleur ami? Quand je parle de son meilleur ami, je parle de Triple H, bien sûr, pas de Orton, mais. Et si nous sortons le match test? Ben non, parce que il y aura un champion, hein. Parce qu'après, ça c'est risqué. Et puis là, ouais, non, là, vraiment. C'est abusé, là. Ouais, ça serait abusé, mais ça serait abusé, mais rigolo. Ouais, mais bon. Peut-être pas pour ceux qui achèteront le pay-per-view. Voilà, ouais. Donc oui, comme vous, les gars, j'attends aussi. Vraiment. Oui, voilà, bah oui, ça buzz. Et puis le deuxième match, alors là, niveau buzz qui sort de nulle part, celui-là, vraiment. Et suspense garanti, bah, se demander qu'est-ce qui va se passer aussi pour le titre poids lourd, parce que la Vicky a sorti, bah, de nulle part de sa poche, là, littéralement, le prochain adversaire, Alberto Del Rio, bah, ce sera pas Rovan Dam, non, là, qui part un petit peu, prend une longue pause. Et ce sera John Cena, la surprise de tout le monde, parce que, bah, il était censé revenir en janvier. Mais non. Aussi. Il était censé revenir en janvier, mais il sera bien là, voilà. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ce match? Parce qu'il y aurait des trucs, bah, beaucoup disent que n'en reviennent pas encore, se disent qu'il y aurait peut-être un angle de la blessure ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Que peut-on ouais, attendre de ce match concrètement là avant? Je sais pas. Moi, je me dis que Cena peut remporter le match mais rapidement et voir débarquer Sandow pour le cash. Ou alors je me dis carrément que le match n'aura pas lieu, que tout simplement on nous a juste vendu ça pour 2 semaines et qu'au final Alberto Dario affrontera un type que Cena choisira en fait. Ouais mais non mais non, c'est pas du mytho parce que Cena l'a tout de suite confirmé. Cena voulait revenir pour le. Donc, c'est non pas mais sinon déjà ça avait été annoncé que Cena serait de retour à la télévision juste parce que il soutient à fond la lutte contre le cancer du sein. C'est pour ça qu'il est là l'année dernière, il avait remis le chèque de $1 million pour l'association ouais, d'ailleurs. Justement, ça fout un peu la pression quoi, voilà. Oui parce qu'on sait, c'est vrai que le mois d'octobre aux États-Unis, c'est celui de la lutte contre le cancer du sein. Bon, le PPV, en France aussi, le 27 octobre. Oui, mais aux États-Unis, c'est prononcé, parce que en France, t'as pas tout le monde qui est en rose non plus, faut pas déconner, tu vois, pas les joueurs de foot, les joueurs de rugby qui sont en rose, parce que là-bas, c'est une culture, ils sont tous en rose, là-bas. Partout, bah, là, d'ailleurs, on a, bah, ce mois-ci, on a les corps de jurings qui sont roses, voilà, c'est naturel, quoi, ils n'ont pas à se forcer. Oui. Ouais, ils refont comme ils avaient fait l'année dernière à la même période, hein, quoi. Oui, parce que c'est ça depuis quelques années, évidemment. John Cena, c'est quoi, en fait? C'est un cyborg? Non, mais il est humain, cet homme? Il catchera pas, il catchera pas. C'est vrai que ça fait 2-3 fois, là, mais ça serait pas surprenant, parce qu'il est déjà revenu par le passé plutôt qu'on l'attendait, donc, Ah, moi, je suis sûr qu'il va revenir. Ouais, Square Doom, je vois pas l'intérêt, après. Pas en parc au début à nous faire croire à une longue, plus longue, invalidité, alors qu'en fait, c'était moins. Ah, c'est fort possible. Est-ce qu'ils veulent faire, à votre avis, une FUD pour plus tard pour le titre World Heavyweight Championship, vu que le titre WWE va être scruté par Bryan et Orton pendant encore un petit moment, à mon avis? Est-ce qu'ils veulent pas faire un remake Punk Cena, un habituel Punk Cena chaque année, pour le World Heavyweight Championship? Je me dis que ça peut être bien, parce que c'est certes, c'est du déjà vu, hein, mais les Punk Cena, c'est toujours du 5 étoiles, hein, donc Ben, à terme, ouais, bah, voir. Franchement, si ça peut redorer le blason de la ceinture World Heavyweight. Ah, ça, c'est clair, il n'y a pas de souci que, oui. Ah, bah, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, pour moi, le World Heavyweight Championship, il en est réduit à un vulgaire titre US, hein. Ah oui, mais totalement. Ah, non, mais là, justement, ben, l'annonce de Cena, ça a tendance à attirer le buzz autour de ce titre, pour une fois, voilà. Servidi, il n'a pas réussi à le faire. Un petit peu, pour les anciens, mais Et pour Night of Champions, ça a tenu, mais pour ce Paperwood, ça tenait pas. Parce que tout le monde s'en foutait de Battleground, en fait, hein. Oui, voilà, bon. Ouais, c'est clair. Bon. Mais c'est vrai que Night of Champions, aussi RVD était le local de l'étape et tout ça. Enfin, bref. Oui, non, mais je dis pas. Mais et Cena, ça attire toujours, forcément, une aura. Cena qui lutte pour un titre mondial, c'est toujours, Oui. Assez important. Donc, à voir. Bon, on verra dans 2 semaines. En plus, ça sera dans un Inocel match aussi, hein, donc Oui, les 2 titres mondiaux. Après, tout le reste sera un match simple, dont CM Punk Ryback, on en a assez parlé, je pense. Déjà, et Cena, Alberto Del Rio sont jamais croisés en... Si. En Inocel simple, puisqu'il y avait Punk avec eux, c'était un triple set. Oui, voilà. 2011, ils se connaissent très bien. Ils avaient eu une feud de quelques... Ils avaient eu une suite de quelques pay-per-view en 2011, Night of Champions, and In the Cell, et ça s'était clôturé avant. C'était pour la WWE, ça, à l'époque. Oui, par contre, c'était pour la WWE, ouais. Voilà. Oui, mais c'est pareil. Ils sont déjà rencontrés pour des titres. On sait très bien ce que ça peut donner. Oui, ça peut donner du mauvais. Le problème, c'est que sur l'ADR, ADR Cena, ça peut donner du très bon comme du très mauvais. Exactement. Et justement, ça apporte de l'attente. Donc, à voir, ça ne sera pas déçu. Ouais. Donc, on peut passer au partenaire, je pense. Ouais. Avec, alors, FN Lutte, la Wrestling Evolution League. Je rappelle la saison 6, aux alentours du 1er novembre, à peu près, donc, dans moins d'un mois. D'accord. Ensuite, Instant Catch avec prochain épisode. Bon, là, il n'y en a pas. Donc, Battleground, bizarrement, on n'a pas sélectionné. Bah, surtout que Massé est très occupé. Il n'y a pas le temps, ouais. Voilà, la radio Révolte de Kevin. Alors, peut-être Révolte que il nous témoignera du show de Marseille, où il assistera peut-être à Doudouleux, qui sera à Rouen, puis à Marseille, la deuxième semaine de novembre. Bon, on vous en reparlera la prochaine fois, de toute façon. Catchazium. Ensuite, vous pouvez nous retrouver sur le compte YouTube, nous écouter, et puis n'hésitez pas à nous suivre surtout. Le compte iTunes, même chose. Le compte Facebook, OSS Radio officiel. Le compte Twitter, OSS Radio, @OSS Radio, pardon. Et vous pouvez nous écrire, surtout, ça nous ferait plaisir, bien sûr, quelques réactions écrites sur notre adresse mail en minuscule, ossradio@gmail.com. Le forum. J'ai gardé, oui, bien sûr, retrouvez-nous sur OSS. Et bien sûr, j'ai gardé. Inscrivez-vous quand même, parce que on vous mangera pas, on va vous accueillir les gras, bien sûr. Les bras grands ouverts sur OSS. Les gras ouverts. Et des bras cassés, mais oui, voilà. Et puis, j'ai gardé quand même un petit peu le meilleur, non, pas le meilleur. Mais alors, oui, c'est le meilleur, un bon article qui est paru. C'est avec la V3 qui est paru dernièrement, tout dernièrement. Ouais. Et la review de travail de Darren. Et très, ouais, très beau travail. Sublime ce qu'il a fait, il a fait ça tout seul. Eh oui. Bravo Darren, félicitations. Et voilà, on sait qu'il écoute donc. Ouais. Et il y a ma review aussi de Battleground. Mais bon, on fait ça en Ryback donc c'est historique. Voilà. Ouais. Je suis pas convaincu par ce que je dis. Voilà, ben on verra si on descendra encore Ryback, à mon avis, je crains que non. Parce que le prochain pay-per-view, donc, ce sera le 27 octobre à l'INSL. Avant, ben, au programme, ce sera la TNA, au passage, parce qu'il y aura... Et mon anniversaire le 15. Bon, mais bon anniversaire pas avant. Bonne attention. Mais en attendant, ben, justement, peut-être le 15, je crois, il y aura la sortie du Vintage Wrestlers Bound for Glory, ouais. Sur Bound for Glory 2005. Tout est en boîte, donc vous pourrez l'écouter ce soir. La semaine d'après, ben, ce sera Impact Wrestlers Bound for Glory, parce qu'il y aura Bound for Glory, grand pay-per-view annuel de la TNA, on peut pas passer à côté non plus, donc on en parlera. Et puis on vous retrouvera. Oui. Je vais essayer de regarder Bound for Glory. D'accord. Je promets rien. Bon. Et ça sera peut-être surtout le dernier de l'histoire, quoi. C'est ça qui peut être rigolo. Enfin, bon, mais et puis on vous retrouvera bien sûr pour le prochain pay-per-view. Ça va arriver très très vite, tout ça. Vous allez beaucoup nous écouter, je pense, ces temps-ci. Avec, ça suivra Alinocel, c'est ça, oui, la semaine d'après, bon, on vous parlera du pay-per-view, et puis on vous parlera, je pense, un petit peu de la tournée européenne qui viendra. Donc, merci pour votre fidélité, merci beaucoup à Grégory Gourdou pour toutes ses réactions à chaque fois qui nous font plaisir, et n'hésitez pas surtout à réagir. On aimerait beaucoup d'autres réactions, parce que on se rappelle des réactions à SummerSlam, c'était un régal surtout à les lire. Donc, on espère dans le futur d'autres réactions. N'hésitez pas à réagir sur tous les sujets évoqués, les cartes des shows, bien sûr, avant. Et on vous retrouve donc prochainement. Voilà. Ah, dans deux semaines. Deux ou trois semaines, je sais plus. Trois semaines, ouais. Oui, trois semaines, c'est ça, oui. Oui. Donc voilà, à la prochaine. Ah, ciao. À bientôt, les amis. Ciao. Salut, ciao, ciao. On se quitte avec les Big Show. Well, it's a Big Show.